y compris même dans la salle à manger. Et est-ce qu'on peut dire que c'est un logement insalubre ? Attention, insalubre, c'est un mot qui a une, hein, qui a de la valeur, qui a une puissance. C'est insalubre pour vous ? Ah, pour moi, oui. Du moment que les murs sont tout noirs, qu'il y a des champignons blancs qui ont apparu, oui. Alors, vous allez informer la CAF, la Caisse d'allocation familiale, de votre situation, de votre... Oui, elle va demander au maire de votre commune de venir constater l'insalubrité du logement. Est-ce que c'est un logement... c'est un logement social ? Alors, non, ce qui non, se non, passe, pas c'est... Non, mais c'est là l'originalité de ce dossier, c'est que c'est le maire qui, en personne, est venu constater les moisissures à la demande de la CAF, une espèce de délégation, on va dire, et le maire a fait une attestation très circonstanciée pour donner l'état de l'appartement. Et il met les propriétaires en demeure de faire les travaux, et alors évidemment, alors ça, cette excuse, ça fait 20 ans qu'on fait ce métier, et 20, vous vous rappelez, même dans sans aucun doute, on entendait ça, les proprios qui disent, s'il y a des champignons partout sur les murs, c'est parce qu'elle n'aère pas. C'est de la faute du locataire. C'est de la faute du locataire, mais parce qu'elle n'aère pas. Vous n'aérez pas et tout d'un coup, il y a des champignons, elle n'aère pas. Alors, ça doit sentir le fennec chez vous, Aline, parce que ça fait combien de temps que vous habitez là-bas ? Ça va faire 4 ans en décembre. 4 ans qu'elle n'a pas aéré. Vous imaginez un petit peu, quand il rentre dans la chambre le soir pour se coucher, t'es sûr qu'on y va ? Allez, on y va. T'es vraiment sûr ? Allez, on y va. Bonne chance, Maurice. C'est sûr que oui. Bonne chance, Aline. Hein. Ouvre la porte. Mais franchement, qu'est-ce que c'est que ces excuses à la noix de coco ? Alors, ils vous disent que vous surchauffez le logement, etc., etc. Bon, aujourd'hui, les propriétaires persistent, bien sûr. Et que vous prenez trop de bains chauds. Ah oui, c'est la vapeur pour les moisissures. C'est la vapeur de... voilà. L'objectif, c'est que les propriétaires du logement viennent faire les travaux nécessaires pour rendre le logement insalubre. Alors, on va les appeler, mais tout de suite. Une fois que le maire est venu, qu'il a constaté, c'est quoi la vitesse supérieure, maître Novakovic ? Bah écoutez, une fois qu'on s'aperçoit, parce qu'il y a même un constat d'huissier, apparemment, il y a un huissier qui est venu sur l'ordre du propriétaire, mais Aline n'a jamais eu connaissance de ce constat d'huissier, c'est quand même intéressant. Donc, quand on voit que ça ne bouge pas comme ça, eh bien, on saisit le tribunal d'instance. On n'hésite pas. Et même s'il avait s'agi d'un logement social, bien sûr, c'est toujours le tribunal d'instance qui est compétent, s'agissant de rapports locatifs. Et ce tribunal pourra ordonner une expertise, un expert se rendra sur place et donnera un diagnostic. Maître Fellonneau, à moi rajouter ? Bah, écoutez, pendant ce temps, on demande aussi l'autorisation de ne plus payer ses loyers. Ah bah oui. Parce qu'on paye pour un logement qui est sain. Le propriétaire doit nous permettre de jouir en bon père de famille et paisiblement de ce logement. Ce n'est pas le cas, il faut prendre des mesures sérieuses aujourd'hui. En parlant de jouir en bon père de famille, Hervé Pouchol. Oui. Personnellement, je prends beaucoup de bains chauds actuellement. Et j'ai des girolles partout. C'est vrai ? Ben oui, c'est sûr. Il se les fait en salade après. On appelle tout de suite. Allez, c'est parti. On appelle le propriétaire. Vous savez quoi ? Une toute petite pause et le propriétaire face à Aline et avec nous tous et avec vous puisque toutes les négociations ont lieu en direct. Et je vous le rappelle, dans le 9h30, 11h, l'émission qui règle vos problèmes dans la bonne humeur mais qui est sacrément efficace. 3210, Facebook, page, ça peut vous arriver. Attention, l'appel arrive. Vous êtes sur RTL. À tout de suite pour l'appel. Ce soir dès 20h dans Soir de Ligue 1, suivez le match en direct et en intégralité. Tous les buts, toutes les réactions. La Ligue 1, c'est ce soir sur RTL. Avec Winamax, site de paris sportifs en ligne. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Le prix direct, c'est jusqu'à dimanche et c'est chez Intermarché. Pour l'achat d'un kilo de moules, de bouchons ou de Hollande, le deuxième kilo est offert. Oui, le deuxième kilo est offert. C'est ça le prix direct qui assomme la concurrence. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Moules de bouchons élevés en France ou moules de Hollande élevés aux Pays-Bas, selon approvisionnement en magasin. Les Vérandas Rénoval vous offrent une isolation thermique et acoustique exceptionnelle. Agrandissez votre maison avec une Véranda Rénoval, où plaisir et confort sont votre priorité. Du 19 septembre au 8 octobre, jusqu'à 3000 euros offerts sur les 100 premières vérandas, chez Rénoval ou sur Rénoval.com. Rénoval, la véranda attitude. Qui fait mieux que Conforama pour vos économies ? Du 23 au 26 septembre, Conforama vous offre 10% de remise supplémentaire pour l'achat de deux produits meubles, déco et gros électroménagers dès 400 euros d'achat. Et c'est en plus des promos. Alors, qui fait mieux ? Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Offre valable hors cuisine, voire conditions sur conforama.fr. Parlons des pros avec Renault Pro Plus. J'ai 5 interventions ce matin. Ah non, 6. Monsieur Dubois a appelé pour une fuite. Avec EasyPack Pro, Renault vous simplifie la vie. Trafic est à 189€ par mois sans apport. Tout est inclus. Entretien, garantie, assistance. Les jours boosters du 19 au 23 septembre. Venez profiter de nos offres exclusives et tenter de gagner un Kangoo chez nos partenaires pro. Loyer tax crédit by maintenance 60 mois, 80 000 km pour trafic fourgon. Sous condition de reprise, réservé aux professionnels jusqu'au 30 septembre, si acceptation par Diakassa. Règlement et liste partenaire sur Renault.fr. La Redoute présente la Shopping Week. C'est parti pour une nouvelle saison et ça démarre fort avec moins 40% sur la nouvelle collection. Manteaux, bottines, déco, linge de lit, toutes les nouvelles tendances sont là pour toute la famille à des prix irrésistibles. En ce moment, je bénéficie de prix incroyables à moins 40% sur des milliers de produits mode et maison de la collection automne. Livraison offerte en relais colis et à domicile sans minimum d'achat et retour gratuit. Voir conditions sur laredoute.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Le 9h30-11h sur RTL avec Aline et le cas qui est lancé maintenant. C'est parti, on y va. Nous appelons les propriétaires. Elle a de la moisissure, elle a des champignons partout. Le maire est venu constater, le propriétaire dit... Orange, bonjour. Bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Ah, ça, veuillez c'est bien laisser dommage. Votre message après le bip. Top, on coupe. Et nous avons, je crois, un deuxième numéro. Et nous allons appeler maintenant le deuxième numéro du propriétaire. Pour voilà. pouvoir contacter votre correspondant, merci de bien vouloir vous identifier. C'est à vous. Julien. Merci de patienter. Nous tentons de joindre votre correspondant. J'ai pas menti, mais j'ai pas dit non plus complètement la vérité. Et ça peut être le Perse qui appelle, ça peut être plein de gens. Claire. Il y a des champignons dans le toit. De la moisissure entre mes doigts. Allô ? Ah non, la chanson reprend. J'espère qu'il va décrocher. Alors, ça veut pas dire... Ça veut dire que là, en fait, il entend mon message. Je connais pas bien, en fait, ce système. J'ai jamais utilisé. Donc, il entend moi qui dis Julien, il voit s'il décroche ou pas. Et là, il réfléchit bien. Et il réfléchit beaucoup. Mais ils sont en train de faire une réunion qui... Listons tous les Juliens que l'on connaît qui pourraient nous appeler. Allô ? Non, toujours pas. On va se faire la petite alerte, alors. On a essayé le portable... Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 0380... Alors, on coupe, et là, on va faire comme ça se passe souvent dans les émissions, appeler, appeler, appeler, et dès que ça décroche, hein, Hervé ou Bernard, vous balancez sur l'antenne avec la petite alerte, et on préviendra immédiatement la personne qu'elle est sur RTL, et elle pourra avoir le choix de nous parler ou de ne pas nous parler. On va peut-être aller sur la mairie, si vous le voulez bien. Appelons le maire pour qu'il nous confirme que ça ne bouge pas, et voir quelles sont ses possibilités. Oui, là, effectivement, là, peut-être qu'on n'est pas encore dans l'insalubrité totale, d'accord. Mais on s'y dirige à grands pas puisque chaque jour qui passe, ça s'aggrave. Donc, jusqu'où on va attendre, d'accord. Ils peuvent forcer les gens à faire des travaux. Il y a du monde qui s'est présenté au portillon. Eh oui, ça a bloqué un petit peu. Ce sont les champignons là. Ah, ça m'indispose. Oui, bonjour la mairie d'Orchamps-Vahennes. Je suis Julien Courbet. Nous sommes sur la radio RTL. Est-ce que je pourrais avoir Monsieur le Maire, s'il vous plaît, concernant le cas de Madame Aline Toussaint, qui l'aide? Non, Monsieur le Maire est absent. Ah mince. Bon, vous pouvez lui envoyer un petit texto? Ah non, je ne peux pas. Monsieur le Maire travaille. Non mais le principe du texto, c'est justement de pour pas déranger les gens. C'est lui envoyer un texto en lui disant est-ce que Monsieur Courbet vous a appelé, est-ce que si vous le souhaitez, rappelez-le à ce numéro-là. Oui. Alors apparemment, on me fait signe, il y aurait le propriétaire. En fait, il y a deux propriétaires. Il faut que vous le sachiez. Il y a Monsieur Rognon et il y a Monsieur Guinard. Ils sont tous les deux à la tête du NCI et apparemment c'est le deuxième qui sera en ligne. Monsieur Guinard, c'est ça? Bonjour. Oui. Oui, bonjour. Je suis Julien Courbet. Nous sommes sur la radio RTL, Monsieur Guinard. J'espère que je ne vous dérange pas. Je suis avec votre locataire, Aline. Aline, vous pouvez lui dire bonjour à Monsieur Guinard. Oui, bonjour. Monsieur Guinard, je vous appelle concernant ces problèmes de champignons et de moisissures dans l'appartement. Ah oui, mais c'est pas moi qu'il faut appeler, c'est mon collègue Monsieur Rognon. Mais vous êtes qui est le gérant de la société. Ouais, ceci étant dit, en tant que vous faites partie de la SCI, essayez de nous donner un petit coup de main parce que Monsieur Rognon n'arrive pas à le joindre, elle peut pas continuer à être dans cet appartement insalubre. Vous savez qu'il va y avoir, il va finir par y avoir un arrêté d'insalubrité. L'appartement, ça va être cuit. Apparemment, c'est la cata. Et on lui dirait que vous n'aérez pas assez. Donc, il faut quand même faire quelque chose, monsieur. Parce que là, on lui a conseillé de bloquer les loyers. Ce qu'elle va faire, elle va faire une demande. Mais on va pas rester dans cette situation bloquée éternelle. Le maire s'est déplacé, il a constaté. Oui. Alors écoutez, pour l'instant je ne peux pas vous répondre parce que je suis sur la route, donc c'est un peu compliqué. Mais est-ce que vous pouvez envoyer un petit mot à M. Rognon qu'on trouve la solution quand même entre gens intelligents? Alors, je vais faire le nécessaire auprès de mon collègue, là, monsieur Rognon. Allez, c'est sympa. Je vous donne un numéro et on essaie de se rappeler. Hervé, vous récupérez. Super. Alors, voilà, il y a deux propriétaires. Il y a monsieur Guinard, qui, lui, il n'est pas le gérant de la SCI, voilà, puisqu'ils ont dû s'associer pour acheter des appartements. Et c'est monsieur Rognon qui s'en occupe et je pense qu'il va essayer de l'avoir. Du côté du coup de la mairie, j'étais en train de discuter avec la dame, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Non, je lui passais simplement les coordonnées de l'émission, elle m'expliquait qu'apparemment elle entendait que vous parliez directement avec la personne concernée, ce qui n'empêche qu'on a besoin quand même de monsieur le maire. Ah ben de toute façon, je pense que c'est pas à elle d'apprécier, avec toute l'amitié que j'ai pour elle, hein. Nous on a besoin de parler au maire pour autre chose, parce que il a bien aidé. Juste madame, moi je veux pas vous embêter, c'était simplement si vous pouviez lui envoyer un petit texto, puis il le lit pas. Ça, c'est pas grave. Bien sûr, je vais le faire tout de suite. Allez, ça marche. Au revoir. Au revoir. Faisons le point donc sur ce dossier, Aline. Nous allons attendre que monsieur Rognon soit contacté par monsieur Guinard. On essaie d'avoir le maire, mais le maire, je vois pas ce qu'il nous dira de plus, puisque il y a eu une attestation, hein, qui est très claire. Je sous-signais monsieur Vernier. Maire atteste par la présente m'être déplacé à la demande de la CAF dans l'appartement de madame Aline Toussaint. J'ai constaté des moisissures dans les 5 pièces. Est-ce que ça veut dire que la CAF, du coup, peut dire j'arrête de payer aux propriétaires la part, parce qu'ils reçoivent peut-être de l'argent de la part de la CAF, les proprios ? Non, pas du tout. Ah bon ? Alors pourquoi la CAF a demandé à ce qu'il y aille alors ? Parce qu'en fait, je suis passée par la DIL et c'est la DIL qui m'a dit après de passer par la CAF, vu qu'à l'époque, je touchais de la PL, oui. D'accord. Donc la DIL vous a dit de passer par la CAF pour passer de la PLE parce qu'il y avait de la grof. Alors si on n'a pas la schmoute, évidemment la schmeng ne pourra pas verser ce qu'elle doit à la SBUG. Il y a plus que le SBUG qui peut intervenir, bien sûr. Tout le monde se fait passer par tout le monde. Mais je vois ça. Bon, attendons monsieur Rognon, là on va le laisser mijoter. Et nous en saurons plus dans quelques instants. Un deuxième cas va arriver et ce deuxième cas monsieur Rognon qui habite à Vaux évidemment. C'est celui de Sandra, voilà ce qu'elle nous a dit. Je suis passée par une société qui a nettoyé la toiture de ma maison. J'ai payé 3 600 €. J'avais la garantie qu'il n'y aurait pas de retour de mousse durant 10 ans, mais depuis plusieurs mois, il y a bel et bien de la mousse et la société ne se déplace même pas. L'enquête sera menée dans quelques instants avec micro caché. Mais là, écoutez-moi ça, pour se détendre, parce qu'on est là pour régler vos problèmes, mais on le fait dans la bonne humeur, avec un esprit positif, parce qu'on veut que vous vous sentiez bien le matin sur RTL. Il s'agit de... Mes 3 nuits par semaine, c'est sa peau contre ma peau, et je suis avec elle. Indochine. Et 3 nuits par semaine. Et aujourd'hui, pour une troisième fois, elle... Indochine sur RTL avec 3 nuits par semaine. Et le cas de Sandra arrive tout de suite. Un cas, vous allez voir, à 3600 euros. On vous règle ça. On essaie en tout cas. On vous conseille. On va négocier en direct sur RTL après ceci. Vous êtes artisan ou conjoint d'artisan ? Du 1er au 14 octobre, vous élirez vos représentants à la Chambre de métiers et de l'artisanat. Votez pour les candidats de l'UPA. Ils défendront à 100% les intérêts de votre entreprise. Retrouvez-nous sur upa.fr. L'artisanat, c'est nous. Votez UPA. Intersport. Chloé, je sais qu'en ce moment c'est girl power chez Intersport, mais tu veux pas enlever tes chaussures de sport là ? Oh non, elles sont super légères et trop confortables. Oui, mais là Chloé... Là quoi ? Bah là on est au lit. Dès le 14 septembre, c'est le Girl Power chez Intersport. Les chaussures femmes Nike Air Relentless 6 sont à 48,99€ au lieu de 69,99€, soit 30% de réduction. Intersport, le sport commence ici. Offre valable dans la limite des stocks disponibles, conditions et liste des magasins participants sur intersport.fr. Quand on est propriétaire de fenêtres, on cherche le meilleur prestataire de fenêtres. Et on trouve son bonheur sur terre de fenêtres. Prix fabricant, garantie 20 ans, pose certifiée. Pour ses portes, fenêtres, volets ou portails, forcément, on choisit la qualité Terre de Fenêtre. Terre de Fenêtre, le choix qui va de soi. Si je te dis un coq, une poule et un vin, tu penses à quoi ? La vieille ferme ? Si je te dis rosé, blanc et rouge, tu penses à quoi ? La vieille ferme, bien sûr. Bon, et si je te dis un vin issu d'une région paisible et ensoleillée du sud de la vallée du Rhône depuis plus de 40 ans, tu penses à quoi ? Eh bien, la vieille ferme, peu cher. Retrouvez dès aujourd'hui le coq et la poule de la vieille ferme chez votre caviste. La vieille ferme, le plus français des vins. Cocorico ! Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Au fait, chérie, j'ai raflé la portière de ta voiture. Quoi ? Ah, sinon, goûte-moi cette nouvelle tablette pure origine Équateur de chez Réauté Chocolat. Après tout, c'est qu'une portière, hein ? Découvrez-vous aussi l'effet Réauté Chocolat avec une nouvelle gamme de tablettes à partir de 2,95€. Réauté Chocolat, fabricant chocolatier. Pour votre santé, bougez plus. Au salon du véhicule des loisirs. Toi qui aimes la nature, tu sais que les loisirs en mobilhome, c'est vraiment formidable. Ouais. Je voudrais même en acheter un. Je vais d'ailleurs aller au salon international des camping-cars, caravanes et mobilhomes de Paris-Le Bourget. C'est là que tu auras le plus grand choix et les meilleures conditions. T'as raison. En plus, c'est très bientôt, non ? Ah oui, et nous, on y va en famille. Du 24 septembre au 2 octobre, découvrez le plus grand choix en France de camping-cars, caravanes et mobilhomes au salon des véhicules de loisirs de Paris-Le Bourget. Écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et j'accueille sur RTL dans le 9h30-11h Sandra. Bonjour Sandra, comment allez-vous ? Bonjour Julien, écoutez, bonjour l'équipe et je vais bien, merci. Bon, Sandra, vous nous appelez d'où ? Près de Dreux en fait, un petit village près de Dreux. Près de Dreux. 2014, ouais. Vous vous promeniez dans une foire et vous rencontrez un exposant et vous décidez de faire appel à sa société pour le nettoyage de votre toiture. Il vous a fait un petit devis ? Oui, tout à fait. Il est venu à la maison, il a fait un petit devis, voilà. Lors de la signature du contrat, il vous précise bien que le nettoyage est garanti 10 ans et que dans les 10 prochaines années, il n'y aura pas de mousse verte sur votre toiture. Alors, Maître Fellono, vous avez une petite pièce à conviction. Allez-y, lisez-moi ce qui est marqué dans la garantie qu'elle a signée. C'est sur l'imprimé, effectivement, qui fait office de devis. Garantie contractuelle. Eh bien, alors, garantie contractuellement à compter de la signature du procès-verbal de réception, c'est-à-dire quand les travaux sont terminés. La bonne tenue de l'hydrofuge toiture et le non-retour de mousse pendant 10 ans. Or, la mousse revient, si j'ai bien compris. Eh oui, c'est ça. D'accord, donc vous les avez appelés en leur disant « revenez », qu'est-ce qu'ils vous disent ? Eh bien, à chaque fois, c'est entendu, ils doivent repasser, mais jamais personne ne vient, puisque une fois c'est un accident, une fois c'est une maladie, l'autre fois c'est un pied cassé, bon, je peux comprendre, c'est vrai. C'est un peu scomounard, oui. Depuis combien de temps essayez-vous de les faire revenir ? Eh bien, écoutez, depuis le mois de mars. Bon, alors on va les appeler, mais auparavant, Marie, vous avez essayé d'en savoir un petit peu plus. Expliquez-moi. Mais lors de l'enquête menée sur le dossier de Sandra, justement, elle me disait, on me prend vraiment pour une pigeonne, on me fait tourner en bourrique, il y a toujours une excuse. Donc j'ai téléphoné, je me suis fait passer pour sa fille et j'ai voulu entendre ses excuses. Je vous laisse écouter. Je suis la fille de Mme Cascara. Oui. Elle vous a eu au téléphone il y a 2 jours déjà, je crois que c'est vous qu'elle a eu d'ailleurs. Oui, c'est moi qu'elle a eu. Alors attendez, je reviens sur ma boîte de mail, tous les messages. Voilà, on devait la rappeler. Bon, elle vous a appelé de nombreuses fois et on devait la rappeler normalement hier. Il y a encore de la mousse sur le toit qui est réapparue. Oui, moi je l'avais noté, Madame Cascarade, pour un SAV toiture autour de Mousse. J'ai marqué, elle n'a toujours pas de nouvelles, elle est impatiente, elle n'a pas eu de retour. Ma collègue s'est cassée le pied et du coup, ben, elle est prolongée jusqu'au 30 septembre. Moi je connais pas les dossiers, hein. Moi j'ai mes dossiers sur Bourges. Sous les yeux, vous avez le dossier tout ça. Non, du tout. J'ai mon mail que j'ai déjà envoyé pour votre maman sur l'agence de Chartres, en fait, quoi, sur. Et du coup, je le retransfère en mettant que vous appelez aujourd'hui. Au moins, ils voient en fait qu'il y a eu plusieurs appels. Voilà, ils voient, hein, mais il n'y a pas vraiment de résultat. Ouais, le coup de le pied cassé. Non, mais vous rendez compte qu'il y a un retard parce que quelqu'un se casse le pied de quelques jours, le temps de tout de suite trouver quelqu'un d'autre. Mais on n'arrête pas l'activité d'une société parce que je peux vous dire que pendant ce temps-là, des contrats se signent. Hein, on ne dit pas aux gens, je ne vais pas vous signer un contrat, monsieur, parce que la dame a le pied cassé. C'est pas possible. C'est pas possible. En plus, il faut essayer de comprendre pourquoi cette mousse revient. Alors, oui, Bernard. Ce n'est pas les pieds cassés, à mon avis, c'est les bras cassés, ces gens-là. Excusez-moi. Ah, mon petit Bernard, très en forme. Pas mal du tout, ça. Alors, Marie, puis Maître Felloneau. Juste quand on lancera les appels, Julien, sachez qu'on va être sûrement retransféré vers cette dame qu'on vient d'entendre. Super. Parce que l'agence donc, de Bourges ne répond pas. Ça doit être un centre d'appel, à mon avis. Maître Felloneau, puis Maître Novakovic. Alors, effectivement, elle a contracté avec une société qui est à Chartres et qui représente une marque. Donc, quand on regarde sur le document du tribunal de commerce et qu'on tape sur la marque, on tombe sur une énorme société qui fait 26 millions de chiffres d'affaires. Donc, effectivement, ce monsieur, le pied cassé, etc., il doit avoir des collègues qui sont capables D'accord. de venir. Mais l'originalité de ce dossier, Julien, c'est que la société avec laquelle elle a contracté n'est pas un indépendant. Elle est gérée par le même gérant que la marque. Donc, c'est une société qui appartient à la marque. Ce n'est pas un concessionnaire, ce n'est pas un franchisé, comme on a l'habitude d'entendre. Ah, moi, je ne suis pas responsable. Ce que vous appelez la marque, c'est, donnez-moi la marque, c'est quoi ? Technitois. Technitois, c'est la marque. Voilà. Et celui qui est venu installer Technitois, c'est le même gérant des deux. Voilà, exactement. Okay. Alors, Maître Novakovic, on lance l'appel. Dans tous les cas, le co-contractant, celui qui a contracté effectivement le contrat avec notre Sandra, doit absolument garantir, c'est-à-dire qu'il doit immédiatement procéder au nettoyage de la mousse s'il y a un souci. Il ne l'a pas fait, donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Une mise en demeure et on fait en sorte qu'il agisse très vite. Sinon, c'est la juridiction qui doit être saisie. Avançons, appelons-le et puis on verra ce qu'il dira. C'est parti, on appelle tout de suite maintenant Sandra et on va certainement retomber sur cette dame. J'espère qu'elle va nous répondre. Technitois, donc nous appelons la maison auto-nettoyante à Chartres. Allô ? Allô ? Technitois ? Oui, vous êtes à Technitois, mais à Technitois-Bourges. Ah, très bien, c'est pas grave, je vais vous expliquer. Je suis Julien Courbet, madame, c'est la radio RTL. Je suis en train de faire mon émission et j'essaie d'aider une dame qui s'appelle Sandra Cascara, je crois que vous la connaissez, qui galère parce qu'elle a acheté un produit et finalement les tuiles sont redevenues vertes très rapidement et on ne vient pas et elle se bat et je sais qu'elle vous a appelé plein de fois, sa fille aussi, je suppose. Alors... Attendez un instant, parce que là, vous êtes sur une autre agence. Je transfère de ligne parce que ma collègue est en arrêt maladie. Elle s'est cassé le pied. Voilà, tout à fait. Alors, attendez, je vais essayer de vous... Alors, vous avez transféré où ? À l'hôpital ? Non. Ah, où ça ? Alors, attendez, je vais essayer de vous transférer. Merci. D'accord. Je vais vous passer son médecin. C'est la dame que j'ai eue. Oui, oui, je l'ai bien reconnue. Et nous allons voir... Je vais vous transférer. Mais madame, vous me transférez où ? Ben, je vais essayer de vous en transférer à ma responsable, en fait, tout simplement. Ah, D'accord. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Au revoir. Mais alors, du coup, le numéro de Chartres... On peut pas l'avoir, parce qu'il retransfère directement l'appel. D'accord. C'est fou, là. Cette pauvre dame, en plus. Moi, vous savez, j'ai beaucoup de compassion, parce qu'elle, elle y est pour rien, et c'est elle qui est obligée de gérer ça au quotidien. Et c'est terrible. Mais là, elle a pas voulu trop s'étendre sur le dossier. Elle dit qu'elle envoie des mails, mais c'est pas normal. Donc, on va lancer un petit appel, hein, ceci étant dit. Technitois, la maison auto-nettoyante de Chartres. Donc, le responsable qu'on cherche, Sandra, c'est Benjamin Erisoglu. Ou Erisoglu ou Glou. Glou. On dit Glou ? Glou. C'est ça, Sandra ? Écoutez, c'est possible. Moi, je n'ai pas ce nom-là. Moi, Allez-y. J'avais monsieur Erden Buyukodurk. Oui, c'est ça. C'est parce que vous le prononcez pas pareil. Ah, mais vous écoutez, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a dit ? J'ai pas entendu. Vas-y, comment vous le présentez ? Allez-y, vous, Sandra, redonnez-moi le nom. Alors, écoutez, je dis monsieur Buyukodurk. Turc. Ah oui, voilà. Dites-moi, Sandra, je peux vous poser la question comme ça, franchement, vous ne vous vexerez pas? Est-ce que vous savez lire, Sandra? Parce que si oui, c'est le même. Oui, oui. Ah bon, bah, écoutez, je sais lire ce qu'on m'écrit. Ah, oui. Moi, ce monsieur m'a écrit hier. Ah, parce que c'est à la main, oui. Parce que moi, j'ai Bunyamin, B-U-N-Y-A-I, Bunyamin, Erisoglu. C'est turc. Ah, c'est turc. Ah, ouais, bah, c'est pas tout à fait pareil. On reste d'accord sur le fait qu'il soit. C'est peut-être pas le même, c'est peut-être un autre. Hein. Redonnez-moi une dernière fois le nom du vôtre. Alors, Erdem Büyüközturk. C'est pas le même, c'est un associé. Ah, d'accord, oui. Ok. Bon, alors on va essayer d'avoir quelqu'un. Est-ce que ça répond pour l'instant? On va faire une petite pause. On en est où? Toujours la musique. Donc, il faudra rappeler, hein, parce qu'on va pas laisser la musique pendant 20 minutes. Je pense que cette dame, c'est normal. Elle a botté en touche, comme on dit. Il y a deux entreprises à la tête, hein, on le voit bien. Parce que c'est les têtes de Turc. Non, pardon. D'accord. Vous savez, il y a une règle d'or. Je connais un petit peu l'humour maintenant. Hein. Je rappelle que moi, j'ai la chance de faire un nouveau one-man show à partir de janvier. Quand on en sort une bonne, Bernard, il y a une règle d'or. C'est on reste là-dessus. D'accord, jamais bon. Tenter le diable d'en tenter une nouvelle. Jamais. Parce que je ne le referai plus. Bon, allez, à tout de suite. Mais bien sûr, c'est l'excès de confiance. Il se dit, j'ai fait rire la première fois. J'en relance une deuxième. Et c'est là où on casse tout. Ouais, c'est dommage. Les têtes de Turc, je suis désolé. À c'est tout honteux. RTL. Être malade, ça tombe toujours mal, surtout lorsqu'on n'a pas trop les moyens. Heureusement, quand votre budget est en mauvaise santé, l'ACS peut vous aider. Avec l'ACS, vous n'avez pas d'avance de frais chez les professionnels de santé, ni de dépassement d'honoraires chez le médecin. Vous êtes aussi aidé pour payer une mutuelle ou une complémentaire santé, et vous bénéficiez de tarifs avantageux pour l'électricité et le gaz. Comme ça, vous êtes soigné, et votre budget aussi va mieux. Renseignez-vous sur l'ACS au 0800 971 391, service et appel gratuit, ou sur amélie.fr. L'assurance maladie. Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit « I love le Rénov ». J'aime tes conseils experts, ta qualité made in France, ta pose très professionnelle. Et comme le Rénov est RGE, vous allez adorer les 30% de crédit d'impôt. Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit « I love le Rénov ». Voir conditions en magasin ou sur lerénov.fr. Juan va tester à l'aveugle deux cafés. Le café carte noire à 5,94€ le lot de 2 x 250 grammes, puis le café Lidl à 2,69€ le lot de 2 x 250 grammes. Juan, j'aime. Et j'aime. De même, j'aime. Oui, mais pas au même prix. Lidl. Prix moyen constaté du 25 juillet au 11 août 2016 dans l'enseigne la moins chère parmi les enseignes relevées portant sur café carte noire non disponible chez Lidl. Composition des produits et plus d'infos sur Lidl.fr. Carte noire, 11,87€ le kilo. Lidl, 5,38€ le kilo. Ladies and gentlemen, 9h30, 11h, l'émission la plus écoutée de France à cette heure-ci, qui fait quasiment le double de ses concurrents. Merci de votre fidélité. What's the sense in sharing this one and only life? Il est 10h. L'information sur RTL, c'est avec Marie Guerrier. Bonjour Marie. Bonjour Julien, bonjour à tous. C'est fait, la France et l'Inde viennent de signer le contrat pour la vente de 36 avions de chasse Rafale du constructeur Dassault. Le montant, près de 8 milliards d'euros. C'est le contrat le plus cher jamais décroché par le secteur français de l'aéronautique militaire. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a fait spécialement le déplacement à New Delhi. Vous êtes aussi sur place en Inde pour RTL, Brice Dugénie. Absolument Marie, les deux ministres de la Défense français et indien ont donc signé ce contrat il y a 45 minutes au ministère indien de la Défense. Sur le visage de Jean-Yves Le Drian se lisait la joie, le soulagement, ses sourires aux lèvres qu'il a paraphé les 6 exemplaires de ce contrat avant d'échanger une longue poignée de main avec son homologue indien. Juste à côté de Jean-Yves Le Drian se tenait Éric Trappier, PDG de Dassault Aviation. Sur son visage, on pouvait également lire la joie et le soulagement. Il s'est dit très content pour ses équipes qui, depuis des mois et des années, négocient âprement avec les autorités indiennes. Dassault Aviation doit donc livrer dès 2019 le premier exemplaire de Rafale commandé par New Delhi. À partir de cette date, ils ont 2 ans et demi pour fournir l'intégralité des 36 avions de combat. Brice Dugénie en Inde pour RTL, où donc est signé ce contrat pour 36 avions de chasse Rafale. Le gouvernement va augmenter les taxes sur le tabac à rouler et donc le prix va augmenter de 15%, environ 1 euro supplémentaire par paquet de tabac à rouler. Cette mesure va figurer dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2017. À Rouen, les cours ont repris ce matin à la faculté de droit. Ils étaient suspendus depuis l'évacuation mercredi. Les services de déménage sont venus vérifier les lieux après l'interpellation d'un jeune homme fiché S dont le comportement aux abords de l'université avait été jugé suspect. Cet homme d'une vingtaine d'années est toujours en garde à vue dans les locaux du SRPJ de Rouen, nous indique Frédéric Veil en Normandie pour RTL. Deux jeunes plaisanciers sont portés disparus en mer après la collision entre deux bateaux au large du port de Hyères dans le Var cette nuit. Les recherches ont redoublé au lever du jour. Un hélicoptère équipé de caméras a été déployé et 8 plongeurs sont mobilisés. L'animateur de télé Jean-Marc Morandini est arrivé au palais de justice de Paris. Il va être présenté à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen. Jean-Marc Morandini vient de passer 2 jours en garde à vue. Il est accusé de corruption de mineurs par 2 jeunes hommes, aujourd'hui majeurs, qui avaient participé à un casting organisé par l'animateur. Jérôme Kerviel va-t-il devoir rembourser la Société Générale la somme faramineuse de 4,9 milliards d'euros qu'il avait fait perdre à la banque en 2008? La Cour d'appel de Versailles rend sa décision à la mi-journée. La Bourse de Paris a ouvert en recul, moins 0,34%, et cette tendance à la baisse s'accentue un peu encore. Le CAC 40 tourne autour de 4 480 points. La météo du jour, pas mal de passages nuageux ce matin sur la moitié nord, mais ça ne va pas durer, le soleil finira par s'imposer. Sur le tiers sud du pays, le temps est agréable, mais le ciel voilé. Et puis en Corse et sur la Côte d'Azur, là, c'est du grand bleu toute la journée. Côté température, c'est très doux, voire chaud. 19 degrés annoncés sur Cherbourg, 20 à Brest, 21 à Lille, 23 à Paris et Strasbourg, 24 à Nantes et Lyon, 25 à Perpignan, 26 à Bordeaux et Marseille et 27 cet après-midi à Toulouse. Les courses à Vincennes en octobre. Les pronostics de Bernard Glace pour le Quintet. Il vous conseille de jouer le 10, le 2, le 15, le 8, le 16, le 9, le 5 et le 18. La dernière minute, c'est le 15, MTK. Il est 10h03, vous êtes sur RTL et bien sûr avec Julien Courbet. Merci les infos, on se retrouve à 11h pour d'autres infos. Faites-moi un tout petit point info, ça tombe bien, ça fait beaucoup d'infos là tout d'un coup. Mais vous avez besoin de savoir ce qui se passe sur l'antenne et c'est bien normal. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Aline et son logement insalubre, voilà ce qu'elle nous a dit. Je vis dans un logement insalubre depuis des mois et mon propriétaire est de mauvaise foi. Même le maire de la ville l'a mis en demeure de faire les travaux nécessaires, mais il ne veut rien entendre. Hervé Pouchol, négociateur, où en est-on dans ce dossier? Qui a-t-on en ligne ou enfin a-t-on eu? Ben, j'avais Jean-Paul Guinard qui est co-gérant de la SCI Chalet Modèle avec monsieur Rognon que nous tentons de joindre. Monsieur Guinard me dit, écoutez, jusqu'à présent on n'a jamais eu de problème avec les anciens locataires. Je dis, là n'est pas le problème, il y en a un qu'il faut absolument régler. Mais c'est exactement comme si vous arriviez avec une voiture en panne et que l'on vous répondait, oui mais avant d'être en panne monsieur, je suis désolé, elle marchait. Mais voilà, évidemment, il faut bien que ça tombe en panne à un moment donné. C'est pareil pour la moisissure, elle n'arrive pas le premier jour, c'est au bout de d'années qu'elle arrive. Alors, il est en train d'appeler son expert comptable et puis surtout son co-gérant Alain Rognon pour avoir une position. Ils ont 2 numéros de téléphone, on attend leur appel. Cas numéro 2, Sandra qui fait une société. Alors elle fait appel à une société qu'elle rencontre dans une foire. On lui vend Monts et Merveilles pour nettoyer la toiture. Je suis passée par une société qui a nettoyé la toiture de ma maison. J'ai payé 3600 euros. J'avais la garantie qu'il n'y aurait pas de retour de mousse durant 10 ans. Mais depuis plusieurs mois, il y a bel et bien de la mousse et la société ne se déplace même pas. Bernard Sabat, négociateur, on a appelé à Chartres. Oui, on est tombé à Bourges. Ouais. Et de Bourges, on est tombé sur une personne. Elle a des choses à vous dire intéressantes. Écoutez. Ah, non, on la prend dans une seconde. Merci, madame. C'est super sympa. A tout de suite sur l'antenne d'RTL pour écouter ça. Merci, Bernard. Qui fait mieux que Conforama pour vos économies? Du 23 au 26 septembre, Conforama vous offre 10% de remise supplémentaire pour l'achat de 2 produits meubles, déco et gros électroménagers des 400 euros d'achat. Et c'est en plus des promos. Alors, qui fait mieux? Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Offre valable hors cuisine, voire conditions sur conforama.fr. Salut, moi c'est Lucas, Lucas Dubol, oui je sais. Et Dubol, j'en ai, de quoi remplir une armoire. Hier, je démarre ma Citroën, et là le fameux message... Toi, va faire réviser ta voiture. Du coup, je prends rendez-vous sur Citroën.fr, et sur le site, qu'est-ce que je vois pas? Avec l'opération Soyez Malin et Faites le Plein, plus j'entretiens ma voiture, plus on m'offre du carburant. Ça va jusqu'à 280 euros. Là, c'est plus Dubol, c'est un bidon. Et moi je dis, merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Conditions sur Citroën.fr. La super rentrée Carrefour Market. Tiens, vous portez une cape aujourd'hui. C'est pour la super rentrée Carrefour Market, Michel. Jusqu'au 2 octobre, à vous les super pouvoirs, les promos incroyables. Des super pouvoirs? Oui, en exclusivité chez Carrefour Market, vous pouvez collectionner 16 figurines de vos héros Marvel préférés, comme Spider-Man, Iron Man ou Captain America. Une figurine vous est remise en caisse par tranche de 30 euros d'achat. Ah, vous serez toujours mon super héros. Carrefour Market. Offre soumise à conditions. Modalités et magasins participants sur carrefourmarket.fr. génial, mais t'es Stéphane Plaza, le monsieur de la télé. Viens voir, mon papa, il a installé un abri de piscine rideau. Mais t'as vraiment de la chance, toi. Comme ça, tu peux te baigner plus souvent et en toute sécurité. Abri de piscine rideau pense à tout. Et en ce moment, Stéphane, abri de piscine rideau offre 1000 euros de mobilier et de décoration. Modalité en espace conseil et sur abri de piscine rideau.com. Allez hop, hop, hop, touchez abri de piscine rideau. Cathy va tester à l'aveugle des biscottes. Les biscottes Heudebert à 2,86€ le kilo, puis les biscottes Lidl à 1,94€ le kilo. Cathy ? J'aime. Et ? J'aime. De même, j'aime. Oui, mais pas au même prix. Lidl. Prix moyen constaté du 25 juillet au 11 août 2016 dans l'enseigne la moins chère parmi les enseignes relevées portant sur les biscottes Heudebert non disponibles chez Lidl. Composition des produits et plus d'infos sur Lidl.fr. Biscottes Heudebert 2,37€ les 830 grammes. Biscottes Lidl 1,55€ les 800 grammes. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Alors nous revenons sur Technitoi, la société qui a vendu le produit de nettoyage de la toiture 3600€ et la toiture est redevenue verte alors que c'est garanti 10 ans. Nous essayons d'avancer et nous avons une interlocutrice, Bernard Sabat. Oui, qui est à Chartres et qui souhaite parler donc à notre auditrice, Sandra. Je vous écoute, madame. Sandra vous écoute. On est sur l'antenne RTL. Oui, vous êtes toujours à Bourges, en fait. Oui. Parce que ma collègue était au téléphone, donc elle était en ligne. Comme je vous dis, j'avais essayé de vous la transférer. Donc, par contre, moi, je suis allée donc sur la programmation de Chartres et j'ai vu que ma collègue avait laissé deux messages à madame Cascara aujourd'hui pour une intervention de lundi. Ah, Sandra, apparemment, donc, vous avez eu des messages. Donc, vous devez avoir un message sur le fixe et le portable. Je ne sais pas sur quel numéro. J'ai pas les numéros à part celui que madame Cascara m'avait donné. Bon, on va lui demander. Elle est en ligne. Vous avez eu des messages, Sandra? Écoutez, non, mais là, pendant que je vous ai au téléphone, mon téléphone fixe a sonné. Alors, d'accord. Je donne le numéro. Est-ce que madame peut confirmer que c'est bien l'agent? Alors, attendez, ça doit être l'agence de seconde, parce que moi, j'ai que les numéros internes, je connais pas les numéros. Allez-y, donnez-moi les numéros. Alors, j'ai le 0247. Oui, tout à fait. Tout à fait, voilà. C'est le numéro de la personne qui s'occupe de la programmation. Il y a 5 minutes qu'ils vous ont appelé. C'est super. Ben ouais, c'est voilà. Formidable. Alors, Sandra, vous me tenez au courant, et d'ici 8-9 jours, Sarah me fait un point pour savoir s'ils sont venus renettoyer. Eh ben, écoutez, c'est parfait, il n'y a pas de souci. Ceci étant dit, écoutez le message et vous me dites tout à l'heure ce qu'il disait le message. Là, on va raccrocher, vous l'écoutez et vous me rappelez pour me le dire. Eh bien, je préfère, on fait comme ça, il n'y a pas de souci. Allez, on fait ça. Merci à la dame de Technitoi, ça a été très vite. Bon, on va laisser cette dame aller travailler. Il y a des hasards dans la vie, quand même. C'est fou, on appelle, vous avez vu, Sandra. Et puis là, pendant qu'on est en train d'appeler, 5 minutes après, ils appellent comme pour prendre par rendez-vous. Hasard. Il faut toujours, Maître Novakovic, ne pas trop attendre. Et surtout, même si la personne en face est adorable, gentille, mais ne vous inquiétez pas, il faut envoyer une lettre. C'est obligatoire pour déclencher une procédure. Complètement, Julien. Il faut commencer à créer un dossier, donc une lettre recommandée avec accusé de réception pour prendre bonne note de l'entretien téléphonique et acter ce qu'il se passe. Et surtout, dire que si cela ne bouge pas, eh bien vous saisirez alors le tribunal. Nous allons attaquer un troisième cas et nous allons avoir, oh là, le même prénom que ma nièce. Elle s'appelle Victoire. Victoire Fellono. Elle est belle, ma nièce. Oh, sa mère fait attention à ce que je m'en approche pas trop. Ah, moi, je voudrais lui apprendre un peu à sortir, etc. Elle tu ne veut parles. Pas. Elle veut pas. Alors, on y va, on écoute. Mon opérateur m'a prélevé de 418€ par erreur. Cela s'est passé en juillet. Il me balade sans cesse et depuis, cet opérateur rivalise d'excuses en faux prétexte. Victoire, bonjour. Oui, bonjour Julien. Vous bonjour nous appelez d'où, Victoire? De Lille. De Lille. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Victoire? Ben, actuellement, je suis une jeune diplômée au chômage. Ah, alors, diplômée de quoi? D'une école de communication. Et vous cherchez donc un boulot? Oui, voilà. Alors, donc, on va commencer. Alors, on y va. Victoire, vous deux, précisez bien le boulot que vous cherchez, où vous cherchez, ce que vous cherchez, je vous écoute. Alors voilà, je suis Victoire, j'ai 26 ans, je suis jeune diplômée d'une école de communication et je cherche un poste de community manager dans la région lilloise. Community manager, dans la région lilloise. Oui, si vous êtes que, voilà, vous avez une société, vous cherchez une community manager, j'ai ce qu'il vous faut. Elle est avec nous, elle s'appelle Victoire, vous m'envoyez tout ça sur Facebook. Alors, votre opérateur téléphonique vous a prélevé combien, Victoire? 418€. Vous dites que c'est par erreur. Donc vous avez tout de suite envoyé un courrier pour demander le remboursement. Voilà, j'ai envoyé deux lettres recommandées. Ouais. Et j'ai jamais eu d'interlocuteur. Alors, j'ai pas de contact. Il y a une réponse quand même que je vais me permettre de lire. Après analyse de votre dossier, je vous informe qu'une réponse vous a été apportée par boîte vocale en date du 18 juillet 2016. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'un remboursement d'un montant de 524€ a été viré sur votre compte bancaire au 22 juillet. Or, apparemment, Maître Fellono, ça doit pas être le cas si elle nous appelle. Bah, effectivement, on cherche toujours. On cherche beaucoup. On n'a rien trouvé. Quand vous les appelez en leur disant « Attendez les gars, vous dites que vous m'avez remboursé, j'ai rien sur mon compte », que vous disent-ils ? Ils me disent, vous allez être contacté dans un délai de 5 jours pour que le crédit soit apporté à votre compte. Et il n'y a toujours rien au moment où vous me parlez. Rien, bon. Rien du tout. Alors, Charlotte, qui fait partie de l'équipe, a voulu savoir où en était le remboursement. Oui, d'ailleurs, j'ai obtenu des réponses un peu surprenantes de la part de l'opérateur. Donc, la personne que j'ai eue au téléphone, elle m'a d'abord dit que tout était normal, que le prélèvement des 418 euros était dû à des frais de résiliation. Et puis, cette personne, elle a fini par se contredire et m'affirmer que oui, Victoire avait bien droit à un remboursement. Mais cette fois, vous allez l'entendre, il n'était plus question des 418 euros. C'est devant moi, je vois un solde de trop perçu, c'est-à-dire de 524,31 €. Alors, ces 524,31 € doivent être remboursés pour vous. J'ai bien vérifié, alors j'ai vu qu'il y avait un dossier remonté, mais qui n'a pas été remonté au service des encaissements. Le mail a été reçu vers le service SFR, mais ce n'est pas eux qui avaient la main pour vous envoyer le remboursement. Je vais transmettre le dossier, comme ça vous aurez votre remboursement. D'ici combien de temps? Ça va prendre un peu de temps, environ 30 jours. Ah, il n'a rien compris, Courbet. Là, je vous le dis honnêtement, je n'ai rien compris à ce qu'a dit ce monsieur. Alors déjà, premier truc, Charlotte, c'est plus la même somme, donc du coup, on lui donnerait plus que ce qu'on lui doit. Oui, donc on ne comprend rien, il faut vraiment éclaircir ça. Pourquoi 524 euros, ça ne correspond à rien? Et puis surtout, encore un délai de 30 jours, ce n'est pas très compréhensible, puisque sur le mail, il était bien écrit que le virement avait été effectué. En tout cas, ce monsieur, qu'il le sache, il vient de gagner un partenariat RTL, car il revient au point virgule avec ses meilleurs sketchs, notamment l'explication du remboursement. C'est devant moi, je vois un solde de trop perçu, c'est-à-dire de 524,31 €. Alors, ces 524,31 € doivent être remboursés pour vous. J'ai bien vérifié, alors j'ai vu qu'il y avait un dossier remonté, mais qui n'a pas été remonté. Une heure de blague sur les remboursements. Bon, enfin bref. Enfin, on remonte à l'encaissement, c'est une bonne nouvelle. Dis-moi, Dédé, t'aurais pas remonté à l'encaissement hier? Parce que je ne sais pas ce que veut dire l'expression remonter à l'encaissement. Plus, bon. Alors on va les appeler si vous le voulez bien. C'est une histoire de fou. Et ce monsieur de la plateforme, il a dû dire ce qu'il avait marqué sur sa fiche. Vous me laissez juste le temps de préparer l'appel et on va s'occuper de vous. On s'occupe de tous ceux qui nous appellent. Vous êtes victime d'une aberration. Vous avez l'impression qu'on marche sur la tête. 3210, Facebook, la page, ça peut vous arriver. A tout de suite et bonne journée sur RTL. Le carburant à prix coûtant? Eh ben oui, chez U jusqu'à demain, le carburant est à prix coûtant. Alors vous prenez votre voiture, vous foncez chez U et vous faites le plein d'économies. Eh ben oui, on peut dire qu'avec le carburant à prix coûtant chez U, vous êtes le roi du pétrole. Le roi du pétrole. Le carburant à prix coûtant, c'est jusqu'au 24 septembre. Liste des magasins U participants sur magasinu.com. Les nouveaux commerçants. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Découvrez une nouvelle enquête de l'inspecteur Higgins, La malédiction de Toutankhamon. L'inspecteur Higgins de Christian Jacques, un personnage irrésistible au cœur de Scotland Yard. Une série palpitante, J-Edition XO. XO, lire pour le plaisir. Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit I love le Rénov. J'aime tes conseils experts, ta qualité made in France, ta pose très professionnelle. Et comme le Rénov est RGE, vous allez adorer les 30% de crédit d'impôt. Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit I love le Rénov. Voir conditions en magasin ou sur lerénov.fr. Martin, il a quel âge ton papa? 55%. Oh la chance! Et le tien? Bah, il a que 41%. Vous voulez pas m'adopter? Pour la rentrée et jusqu'au 17 octobre, avec l'offre pourcentage de Grand Optical, votre âge égale votre pourcentage de réduction sur votre monture et celle de vos enfants. Grand Optical, rien n'est trop grand pour vous. Conditions en magasin, dispositif médical CE. Le mois, Carrefour! Pendant le mois Carrefour, il y a des promos renversantes. Il y en a dans tous les sens. Et aujourd'hui, par exemple, pour l'achat d'un lot de 3 bidons de lessive liquide Ariel, on bénéficie de 80% de son prix en bon d'achat. Alors accroche-toi, ça va secouer. Avec le mois Carrefour, vivez une expérience renversante. Jusqu'à vendredi, retrouvez chaque jour des produits de marque avec 80% de leur prix offert en bon d'achat. Lot de 3 bidons de 23 lavages, différentes variétés. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Dans la limite des stocks disponibles. Produits concernés et modalités sur carrefour.fr. Carrefour. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Une alerte, parce que là, on va abandonner quelques instants notre victoire. On va y revenir très très vite pour son remboursement de 418 euros, puisqu'on l'a prélevé son opérateur par erreur. Je voudrais qu'on revienne sur le cas de Sandra. Je rappelle que Sandra, c'est l'histoire de la toiture. Voilà ce qu'elle nous a dit, Sandra. Je suis passée par une société qui a nettoyé la toiture de ma maison. J'ai payé 3600 euros. J'avais la garantie qu'il n'y aurait pas de retour de mousse durant 10 ans. Mais depuis plusieurs mois, il y a bel et bien de la mousse et la société ne se déplace même pas. Alors, je vous passe tous les appels qui ont été donnés, agence de Chartres, agence de ci, agence de là. Et alors, comme par hasard, Bernard, on nous a dit quand on a eu l'agence tout à l'heure, on vient de lui laisser un rendez-vous à l'instant. C'était juste 10 minutes après notre appel. Exactement. Et Sandra, donc, a écouté le message. Elle veut vous parler pour vous faire le compte-rendu. Sandra, ce message de Techni, toi, là-bas à Chartres, dit quoi? Bah écoutez, Julien, c'est magique. Visiblement, il passe lundi après-midi. Donc, il fallait que je confirme. J'ai confirmé. Maintenant, écoutez, je suis comme ça. Ils vont passer, j'en suis sûr. Oui. Et moi, je leur dis bravo. Encore une fois, on n'est pas là pour embêter les gens. On est juste là pour leur dire on ne peut pas prendre de l'argent, promettre et faire tourner les gens comme ça en bourrique. Voilà, ce truc traînait. Il y avait un problème de communication. Il est réglé. Ils vont venir. On a eu un conseil de Maître Novakovic. On acte tout de suite par un petit courrier quand ça arrive comme ça. D'accord ? Complètement. On acte les choses, sachant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En un mot, il faut respecter son contrat. Bon, allez, on va se dire que c'est gagné. Sandra, quand même, vous confirmez qu'ils sont bien passés. Hein, Sarah nous dira qu'ils sont venus enlever la mousse. Bonne journée, ma Sandra. Merci, Julien. Merci à toute l'équipe. RTL sera toujours là pour vous, Sandra. Allez, on va revenir sur le cas de Victoire. Vous me laissez marquer une toute petite pause et on appelle l'opérateur parce qu'on l'a fait tourner en bourrique. Vous avez noté, d'ailleurs, Maître Novakovic, car vous notez tout en très grande avocate que vous êtes, qu'elle a déjà, Victoire, à qui on doit 418 euros prélevés par erreur, envoyé une mise en demeure. Le combien? Tout à fait, dès le 25 juillet 2016. Le 25 juillet 2016, il ne se passe rien. Et puis alors, on lui donne des explications. Elle ne comprend plus rien. Il faut intervenir. Laissez-moi préparer le numéro et nous allons nous retrouver après avoir écouté ceci. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off to my city, off to my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes nowhere. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop, stop. C'était Justin Timberlake sur RTL avec Can't Stop the Feeling. Tiens, une date, One Man Show à Argentré-du-Plessis en Ille-et-Vilaine. Argentré-du-Plessis, j'y serai le samedi 15 octobre à 20h. Je crois que c'est au centre Sévigné, donc à Argentré-du-Plessis pour le One Man Show, c'est la dernière, avant d'attaquer le nouveau. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Victoire est étudiante, elle ne l'est plus, elle est diplômée, elle cherche un job, je crois, de community manager dans la région de Lille et j'espère que vous allez l'embaucher parce que je crois, à sa voix, je sens qu'elle fait prospérer une entreprise. Mais là, elle a un problème avec SFR, donc on appelle tout simplement maintenant. On fait comme vous. Nous sommes le miroir de ce que vous vivez au quotidien. Donc on fait le numéro Café Victoire. Pour utiliser au mieux notre service, veuillez saisir les 10 chiffres de la ligne mobile concernée par votre demande. Désolé, nous n'avons pas compris votre réponse. Alors vous voyez, ça c'est bien agaçant parce que je peux vous dire qu'on est, on est derrière Sarah, elle fait exactement le numéro, quoi. C'est quand même fou. Alors moi je veux bien qu'on passe à des techniques ultra élaborées qu'on ne parle plus, mais ça marche pas à tous les coups, hein. Désolé, voilà. Nous n'avons pas pu vous identifier. Alors qu'est-ce qu'on fait quand vous on a ça? Vous disposez d'une ligne SFR, mais vous ne connaissez pas votre numéro de téléphone. Tapez 1. C'est que... Avouez que c'est con. Nous sommes désolés. Bien bête, alors, hein, parce qu'on n'est pas mon numéro. Vous avez une voiture et vous ne savez pas où elle est garée. Tapez 2. Vous avez une maison, mais vous ne savez plus dans quelle ville elle se trouve. Tapez 3. Vous pouvez également. Qui êtes-vous? Vous aimeriez savoir si vous êtes un homme ou une femme. Tapez 4. À très vite. Oui, à très vite, au revoir. Bon, Victoire, ne vous inquiétez pas, parce que là... Non, mais je suis habituée. Mais est-ce que vous me confirmez, parce que des fois, on peut se dire aussi, on est une bande de bras cassés, mais est-ce que vous me confirmez que quand vous tapez votre numéro, plein de fois, il vous dit, on n'a pas compris? Oui, c'est ça. Voilà, donc ça, c'est pas normal. Et là, je m'adresse à mes copains d'SFR. Essayez de mettre en place une nouvelle machine, mais quand on tape son numéro, ça reconnaît pas. Alors, il faut passer à un autre système. Oui, parce que c'est à croire que c'est pour nous décourager, Julien, finalement. Parce que, Victoire, vous êtes étudiante, que vous avez eu votre diplôme. Parce que vous cherchez du boulot, Victoire. Et uniquement pour ça, je vais sortir mon joker. Nous allons, puisque nous n'arrivons pas à avoir la plateforme pour l'instant, nous allons demander à essayer d'avoir un directeur d'SFR très rapidement pour pouvoir résoudre ce problème qui devrait déjà être résolu depuis longtemps. Donc Victoire, vous allez vous faire un café, un mojito, un ce que vous voulez, et vous me laissez juste le temps d'avoir un responsable. Maintenant, en ce qui nous concerne, nous allons revenir sur le journal radio, les cas qui se passent jour après jour, et nous vous donnons des nouvelles parce que ça se suit comme un feuilleton. Dans le 9h30-11h sur RTL, on ne lâche pas les cas qui ne sont pas réglés. C'est le journal radio. Cédric est passé récemment avant les vacances. Réécoutons le message de Cédric sur RTL. J'ai acheté une maison en toute confiance. L'annonce de l'agence garantissait une toiture neuve, donc en parfait état. Tu parles, on s'est vraiment moqué de moi. Il faut refaire le toit. Il y en a au minimum 13 000 euros et je ne compte pas l'isolation. Quand il dit tu parles, ça m'avait déjà fait le cas. La chose, au moment où il avait fait, on dirait Patrick Bruel dans la chanson qui a le drap. Tu parles, que des conneries. C'est exactement ça, mais ça n'a aucun intérêt. Donc passons à la suite. Nous avions eu l'assurance Sérénis pour l'agence CIM Immobilier, notamment Madame Pereira, la gérante de l'agence, qui devait voir Cédric et trouver une solution. Sarah, avez-vous du nouveau? Cédric n'est pas en ligne parce que ce matin, il ne pouvait pas être se libérer. C'est bien ça, Julien. Malheureusement, le vent a tourné entre-temps, c'est-à-dire qu'elle devait, sur vos conseils, effectivement, faire un courrier à l'assurance. Lorsque Cédric, en fait, s'est rendu ou l'a rappelé, je ne sais plus très bien, en fait, elle a décidé finalement que ça ne servait strictement à rien, puisqu'elle avait déjà fait par le passé. Donc, au final, il ne s'est strictement rien déroulé depuis. Donc j'ai l'impression que c'est une affaire qui peut aller en justice, mais nous pourrions éventuellement rappeler Madame Pereira pour faire un point. Nous allons le elle. Faire parce que là c'est pas bien. Il faut quand même savoir que ce monsieur, il voit une agence immobilière, il voit une annonce, et sur l'annonce il est marqué la toiture, hein, si je me rappelle bien, est neuve. Il achète la maison, il est pas monté sur le toit. Non, je suis désolé, quand on visite une maison pour l'acheter et puis il y a une agence qui garantit. Ouais. Or elle n'est pas neuve, il y a qu'une partie qui est neuve, il y a une partie qui est à refaire. Et ben l'agence dit, ben oui, mais nous, c'est pas notre problème. Alors, ça veut dire que CIM Immobilier, quand on rentre chez eux, ils peuvent marquer ce qu'ils veulent sur les annonces, et au bout du compte, c'est pas vérifié, et le client se débrouille. C'est juste pas admissible, ça, maître Nakovic. Tout à fait. Alors, ça, c'est un point intéressant, parce que très souvent, quand on prend une agence, on se dit, on est protégé. Alors, on est protégé que dans la mesure où l'agence s'engage. Si l'agence ne porte pas de jugement de valeur sur la maison, il ne s'engage pas. Si, en revanche, on vous parle d'une toiture neuve, alors l'agence peut être effectivement poursuivie dans le cadre d'une responsabilité civile. Alors, on va appeler tout de suite, si vous le voulez bien, l'agence, c'est parti, pour encore une fois avoir une explication. Ou alors qu'ils disent clairement à la France entière qui écoute RTL ce matin, nous ne ferons rien pour cet auditeur, qu'il se débrouille, qu'il aille en justice. Mais au moins qu'il y ait une position ferme. Moi, je trouve ça quand même dur de passer des annonces en marquant « vent, maison, toiture neuve », ils ont pris une com. Ils ont pris une com pour ça. Ouais. Puisqu'il a acheté la maison, ils ont pris je ne sais combien de pourcents. Et au bout du compte, bah ouais, mais la toiture, elle n'est pas neuve, c'est comme non, ça. Non, Sandrine Pereira, agent immobilier. On lui laisse un message. Je suis actuellement disponible ou déjà en rendez-vous. Je vous invite à me laisser un message. Je ne manquerai pas de vous rappeler. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Bonjour Madame Pereira, Julien Courbet, c'est la radio RTL. Je suis en train de faire mon émission et je venais prendre des nouvelles de votre client Cédric qui a acheté une maison suite à une annonce publiée par Sim Immobilier à Morestel qui disait que la toiture était neuve. Or, elle ne l'est pas et j'ai l'impression que le dossier n'avance pas beaucoup. Merci de me rappeler, on reprend le dossier toute cette année sur l'antenne d'RTL. Merci. Maître Fellono, il y avait un patron, hein, parce que c'est un siège. Essayez de m'avoir le patron, Sarah, pendant que Maître Fellono nous donne une explication. Mais moi, je pense qu'on est dans le cadre d'une publicité mensongère, parce que l'annonce est fausse. Et il y a une négligence de la part de l'agence qui, effectivement, n'a pas vérifié si la toiture était neuve ou pas. C'est même pas besoin de monter, c'est de demander les factures, les justificatifs. Il se peut que l'agence ait été trompée par les documents des vendeurs. Mais ça, c'est son problème. Elle aura une action récursoire contre eux. Face à son acquéreur, elle est entièrement responsable. Alors, il y a un des deux négociateurs qui va se mettre sur le coup pour avoir... Il y avait un patron, un grand patron, c'est Hervé Pouchol. Pendant ce temps-là, nous, on continue, on va se faire un point info. Et puis, on a un cas express. Oh là, Catherine nous a téléphoné. Je la prends dans une seconde sur l'antenne d'RTL. RTL. Stéphane Bern sur RTL. À la bonne heure. Et ce matin, à gauche, à droite, balle au centre des discussions de la bonne heure. À gauche, à droite, c'est le titre de la nouvelle pièce de Laurent Ruquier avec Francis Huster et Régis Laspalès qui sont nos invités tout à l'heure sur RTL, bien sûr. Affligem, cuvée blonde. D'abord, contempler les reflets dorés de sa robe millénaire. Puis, ressentir toute la richesse du bouquet fruité d'Affligem. Enfin, savourer le subtil équilibre de ses notes de fruits jaunes et de miel. C'est l'instant où se révèle la parfaite harmonie d'Affligem cuvée blonde. Affligem, et si la bière se dégustait? Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Vous êtes artisan ou conjoint d'artisan? Du 1er au 14 octobre, vous élirez vos représentants à la Chambre de métiers et de l'artisanat. Votez pour les candidats de l'UPA. Ils défendront à 100% les intérêts de votre entreprise. Retrouvez-nous sur upa.fr. L'artisanat, c'est nous. Votez UPA. Ah ben ça alors, je ressens plus rien. Et là? Rien non plus. Et si vous passez la main, là? Ben non, rien. Insistez, prenez le temps. Non, non, rien. Bien, très bien. C'est parce qu'elle est bien posée. Il ne suffit pas de choisir une belle fenêtre, il faut qu'elle soit bien posée, sinon... Sinon ça sert à rien. Eh oui. Voilà pourquoi toutes les fenêtres cas par cas sont installées, contrôlées et garanties par cas par cas. Parce qu'on ne change pas de fenêtre tous les jours. Fenêtres, volets, portes, cas par cas. Nous faisons grand cas de votre confiance. Petit message Peugeot en forme d'ordre de mission. Professionnel, votre mission, si vous l'acceptez, est de découvrir le nouveau Peugeot Expert. Avec son volume de 6,6 mètres cubes grâce à la banquette ModuWork, et profitez de l'offre de lancement sur le nouveau Peugeot Expert Premium Pack à partir de 179 euros par mois. Garantie assistance et entretien 5 ans inclus. Nous comptons sur vous. Crédit bail sur 60 mois, 50 000 km après un premier loyer de 4 900 euros. Détails sur PeugeotWebStorePro.com. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. C'est la dernière demi-heure, je vous le rappelle. Hein, le Money Time va commencer, ça va partir de tous les côtés. Je tiens à vous prévenir. SFR ? Oui, SFR, Julien, pour le cas de Victoire et son remboursement. Allô, bonjour ! Oui, bonjour. Bonjour madame, je m'appelle Julien Courbet, c'est la radio RTL. Je suis en train de faire mon émission, j'ai une auditrice qui est une de vos clientes, j'ai tous les numéros, qui a été débitée à tort de 418 euros, ce que SFR reconnaît parfaitement. Mais alors, pour se faire rembourser, elle galère. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît? D'accord, donnez-moi juste un instant s'il vous plaît. Je vous en prie, voilà, la patate chaude est pour vous mon petit Bernard Sabat, puisqu'elle est allée prévenir le patron. Hein, et nous allons voir si nous avons quelqu'un. Voilà, c'était la petite alerte et à n'importe quel moment, c'est SFR qui reviendra sur l'antenne puisque je veux que toutes les négociations aient lieu sur l'antenne. Catherine, je vous l'ai promis, Catherine nous a appelé. Bonjour Catherine. Bonjour Julien. Elle a appelé ce matin, Catherine, elle s'est dit qui ne tente rien à rien. Elle appelle et pim, elle est sur l'antenne. Catherine, vous avez fait changer vos fenêtres en décembre 2015. Oui. Bon, vous savez que ça me touche beaucoup. Hein. Oui. J'ai eu une équipe de deux personnes qui est venue parce qu'en fait, il y avait une dépose totale. Oui. J'avais 9 fenêtres en tout à changer. D'accord. Et moi j'étais d'équipe d'après-midi, donc... Premier jour, quand je suis rentrée, que j'ai vu les dégâts, j'en ai pleuré parce que... Dites-moi, quel genre de dégâts? Ben en fait, il y avait des gros trous autour des fenêtres. Wow. Donc, j'ai pris des photos, j'ai envoyé les photos par SMS au commercial. Il m'a dit, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je vois sur votre fiche poignée qui tourne dans le vide. Ben ça, en fait, c'est arrivé après. Ah bon, mais, d'accord. Parce qu'en fait, donc après, le lendemain, effectivement, ils ont mis des bandeaux pour cacher la misère. Mais moi, j'ai signé la réception des travaux, mais j'avais demandé une heure à mon chef pour m'absenter. Mais c'est au mois de décembre. Mais pourquoi vous avez signé la réception des travaux si c'était dans cet état-là? Ben parce qu'en fait, ils ont mis des bandeaux pour cacher les dégâts. Ah, d'accord. Mais en fait, après... j'avais demandé une heure à mon chef pour venir faire la réception des travaux. Et c'est que après que j'ai constaté les matraçons. Combien j'ai compris. Combien vous a coûté la plaisanterie, ma chère Catherine? 12 000 euros. Combien? 12 000 euros. Et très honnêtement, puisque là c'est un cas express, d'ailleurs vous nous ferez peut-être passer les photos, on les mettra, même s'il le faut dans quelques jours. Vraiment, c'est du travail qui n'a pas été bien fait. Attendez, il y a un facteur qui passe. Il y a un facteur. Un tracteur ou un facteur? Un tracteur. Ah, pardon, j'avais compris, il y a un facteur qui passe. Je me dis, il est bruyant celui-là. Bon, là aujourd'hui, c'est dans quel état? En fait, on avait envoyé une lettre commandée à la direction. Une équipe de deux personnes est revenue refaire les choses, mais en fait, les feux n'étaient même pas isolés. Okay. Donc, ils ont refait les travaux. Il faut que j'appelle, j'ai bien compris le problème. Et si je n'appelle pas maintenant, je ne pourrai pas régler votre problème. Donc, on les appelle tout de suite, s'il vous plaît. Lancez le numéro, Catherine, et puis on va voir ce qu'ils vont nous dire, d'accord? En fait, maintenant, ce que je reproche, c'est qu'il y a une cloison qui est éclatée, qui n'ont pas réparé. Il y a les papiers peints qui ont été abîmés, tout ça, c'est à mes frais. Il y a encore des vitres à changer parce qu'il y a des taches à l'intérieur des doubles vitrages et une poignée qui tourne dans le vide qui n'ouvre plus. Est-ce que c'est le portable, Sarah, que vous avez fait ou le fixe? Là, j'ai tenté le portable et on va tenter le fixe après. Alors, allez-y, c'est parti pour le fixe. Bonjour, très rapidement. Allez, on y va, ne vous inquiétez pas. Catherine, si je ne les ai pas là, je reprends ça demain parce que là, pour l'instant, ça n'a pas l'air de répondre, mais on va tenter un deuxième. Établissement Jauberti, bonjour et bienvenue. Nous allons vous répondre. Est-ce que vous avez acté par une lettre recommander tout ce qui n'allait pas? CRL Jauberti, bonjour. Oui, bonjour madame de chez Jauberti. Je suis Julien Courbet, c'est la radio RTL. J'espère que je ne vous dérange pas. Je suis avec une de vos clientes, Catherine Lenormand, qui nous dit avoir eu des petits soucis suite à une pause. Ce qui peut arriver, on essaie de voir comment on peut arranger les choses. Est-ce que je pourrais avoir quelqu'un, monsieur Jauberti Dominique peut-être? Il est absent. Est-ce qu'il y a un responsable chez Jauberti? Non, actuellement personne. Personne. Donc vous avez la possibilité de lui envoyer un petit texto comme on est à la radio? Non, du tout. Non. Donc vous ne pouvez pas envoyer un texto à M. Jauberti? Ben, il est en rendez-vous, je ne veux pas le déranger en rendez-vous. Ben, le principe du texto, c'est que justement, on ne dérange pas les gens. C'est comme ça, il n'est pas obligé de répondre, vous voyez ce que je veux dire? Parce que si vous envoyez des textos quand vous savez que vous ne dérangez pas les gens, c'est que vous savez ce qu'ils sont en train de faire, on ne les voit pas. Je vous demande juste de lui dire qu'on est sur RTL, qu'on est en train de traiter un cas avec Jauberti, que ça va peut-être l'intéresser de savoir que vous l'avez prévenu. D'accord. Je cherche mon téléphone. Ah, pardon, simplement. Excusez-moi. Bon, alors ceci étant dit, je lance un appel malgré tout si vous faites partie peut-être de la famille de monsieur Jauberti Dominique. Non, pas vous, je m'adresse aux auditeurs, excusez-moi madame. Et donc si monsieur Jauberti peut nous rappeler, ça serait formidable concernant le cas de Catherine Lenormand. Son assistante va peut-être lui envoyer un texto avec un numéro que je vais vous laisser. Vous croyez que c'est possible? Vous parlez avec... À vous. Bah, son assistante, en fait. Est-ce que je c'est vous? Je envoie le SMS. Allez, ça marche. Je vais vous laisser le numéro et vous lui dites qu'on est sur l'antenne d'RTL. Rien de grave. Apparemment, il y aura un chantier qui se serait mal passé. Il suffit de réparer pour que ça avance. Vous voyez qui c'est, Catherine Lenormand? Du tout. D'accord. Je ne vois pas les clients, monsieur. Vous, Catherine, qui est votre interlocuteur là-bas chez Jauberti? En fait, j'avais eu affaire à la personne qui répondait au téléphone et j'ai eu affaire plusieurs fois à monsieur Jauberti qui était venu constater au mois de décembre, qui m'avait dit qu'il comprenait qu'il accepte pas comme les travaux comme ils étaient. Effectivement, il a renvoyé une deuxième équipe, mais pour moi, je suis pas satisfaite parce que j'ai eu des dégâts et tout n'est pas réparé. D'accord. Catherine, c'est quelle agence, vous, chez vous? C'est Cormontreuil. D'accord, oui. Ok. Là, je suis pas à Cormontreuil, madame, on est d'accord? Là, je parle à l'assistante de monsieur Jauberti. Si, d'accord. Parfait. Bon, voilà, essayez de le contacter et on va régler ça. Vous allez voir, je suis certain, c'est un pro, monsieur Jauberti. Il va pas laisser ça comme ça, c'est sûr. Donc, la dernière fois que je l'avais eu avant les vacances, oui, Catherine, je m'avais dit. Pas de souci. Si vous nous appelez, c'est que ça s'est pas résolu. C'est pour ça qu'on l'appelle. Mais je pense que ça sert à rien de redire à cette dame qui connaît pas le dossier en plus tout ce qui va pas. Donc, on dit maintenant, il nous faut monsieur Jauberti. Il y a que lui qui peut régler le problème. Elle lui envoie un petit texto avec notre numéro. Sarah, vous lui donnez. Oui. Merci, mademoiselle. Je suis navré de vous avoir dérangé. Numéro. Et je vous le donne tout de suite. Voilà, monsieur Jauberti sera contacté. Espérons que ça sera dans le Money Time, dans le dernier quart d'heure, que l'on pourra l'avoir. A tout de suite sur RTL. Garçon, excusez-moi, quel est le plat du jour, s'il vous plaît? Eh bien, le plat du jour, c'est... L'air discount, je dois filer chez Netto. Aujourd'hui, il y a 4 tranches de tendre noix supérieure Erta gratuites pour 4 tranches achetées. Netto, le discounter qui fait la différence. Origine France, 320 grammes, 2,24 euros le lot, soit 7 euros le kilo. Pour votre santé, limitez les aliments gras et les sucrés. Oliver Twist le musical. Une création française dans la pure tradition de Broadway, avec 21 artistes et musiciens. Dirigé par Ladislas Chola, le metteur en scène de Résist. Il sera tellement fier, mon père. Oliver Twist, le musical, actuellement à la salle Gaveau. Avec RTL et France 2. RTL présente Persona étrangement humain au musée du Quai Branly. À l'heure des grands débats sur le transhumanisme et l'intelligence artificielle, plongez aux frontières du réel avec l'exposition Persona étrangement humain au musée du Quai Branly. Art premier, art contemporain, robotique, humanoïde ou encore produits high-tech, vivez une expérience inédite et fascinante pour comprendre les objets qui nous ressemblent. L'exposition Persona étrangement humain jusqu'au 13 novembre au musée du Quai Branly avec RTL. Encore une nouvelle fraîche de Carrefour Market. Ce soir, je vois un ami et on a un point commun. On adore la très bonne viande. Alors là, ça tombe bien, Michel, parce que j'ai un délicieux rôti de bœuf origine France à vous proposer. Oh, il a l'air tendre et moelleux. Et en plus, jusqu'à demain, chez Carrefour Market, le rôti de bœuf 2 étoiles origine France est à seulement 8,70€ le kilo. Alors on va inviter des amis en plus ? Moi, je suis libre. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Modalité et magasin participant sur carrefourmarket.fr. Attention, tout se joue maintenant. C'est le Money Time dans le 9h30-11h sur RTL. Les dernières minutes, est-ce que ça remonte sur les cas ? Par exemple, Bernard, une alerte. Oui, victoire, le problème de remboursement avec SFR, vous savez qu'elle attend, oui. Ça chauffe. Hein. J'ai entendu une conversation, on était à 3, je me suis sorti de la conversation. Victoire avec le monsieur d'SFR, elle n'était pas contente, elle va vous le dire là. Victoire, que s'est-il passé lors de cette conversation ? Alors, je viens d'avoir SFR au téléphone, un monsieur qui m'a encore parlé dans les 5 jours ouvrés. Donc moi je me suis permis quand même de lui rappeler que je suis au chômage, qu'ils m'ont prélevé plus de la moitié de mon allocation chômage, que mon propriétaire me harcèle pour que je paye mon loyer, que j'ai dû annuler mes vacances au mois d'août pour pouvoir payer mon loyer, et on parle encore d'un délai de 5 jours ouvrés. On me balade encore une fois, c'est comme d'habitude, le discours n'a absolument pas changé. D'accord. Donc ça chauffe. Bon, alors ce monsieur, est-ce qu'il est toujours en ligne ou pas, ou il a raccroché, Bernard ? Non, il est en attente, mais je pense que pour l'instant il est en train de voir avec un superviseur. Monsieur d'SFR, il nous a mis la musique. Donc il faut absolument avoir le patron, nous avons un numéro, vous l'appelez en urgence pour que le chèque parte demain ou après-demain. Vous vous rendez compte qu'à chaque fois qu'elle appelle, on lui dit c'est 5 jours ouvrés. Et elle rappelle le lendemain, c'est de nouveau 5 jours ouvrés. Puis elle rappelle le surlendemain, c'est 5 jours ouvrés. La direction est au courant, Julien, on vient de laisser le message avec Hervé, c'est fait. Oui. Non, alors voilà, on va faire en sorte, Victoire, que ça parte aujourd'hui ou demain, on va se battre comme des chiens. Maître Novakovic. C'est gentil, Julien. Je dis que c'est d'autant plus scandaleux qu'ils reconnaissent qu'ils lui doivent cette somme. Donc c'est scandaleux. Et on vous a dit pourquoi il s'était trompé ? Non, ça, on vous a jamais donné l'explication. Hein. Non, on m'a jamais donné l'explication. Et en plus, je voudrais juste rajouter quelque chose, qu'à cause du prélèvement de 418 euros, j'ai été à découvert. Mon banquier m'a menacé que je sois interdit bancaire et j'ai eu des agios. Ouais. Donc j'ai payé plus de 40 euros d'agios. Ça, les agios, SFR, va falloir qu'il les rembourse. Hein. Oui, effectivement. Bah, bien. Tout le préjudice que vous avez subi, notamment celui-là qui, cette fois-ci, ne prête à aucune contestation, il faut les réclamer. On va d'abord attendre le remboursement du principal et après, vous allez faire cette réclamation de façon à chiffrer un peu votre préjudice. Mais je m'adresse à tous. C'est typiquement le genre de cas où il faut aller devant le tribunal de proximité. En plus, il ne se déplace pas. Le général est grand. Jamais. Ils ne viennent pas, donc vous êtes le seul à parler, vous obtenez tout, et puis alors là, envoyer un huissier dans des grandes compagnies, c'est du pain béni pour récupérer l'argent, il n'y a jamais aucun souci. Pour Victoire, ne vous inquiétez pas, pour l'instant, nous allons avoir le responsable, et nous allons lui dire que vous devez être payé d'ici la fin de la semaine, parce qu'il y a en plus un véritable préjudice. Point info, si vous le voulez bien, dans le Money Time. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Le logement d'Aline est insalubre. Je vis dans un logement insalubre depuis des mois et mon propriétaire est de mauvaise foi. Même le maire de la ville l'a mis en demeure de faire les travaux nécessaires, mais il ne veut rien entendre. Où en est-on ? On sait que nous avons eu un premier propriétaire, M. Guinard, qui devait contacter le gérant de la SCI Chalet Modèle, M. Rognon. Eh bien écoutez, je ne suis pas content, parce que M. Guinard m'avait promis de me rappeler en essayant de contacter son co-gérant Alain Rognon, que j'ai essayé d'appeler. On est tombé sur le même répondeur, j'ai changé de prénom, ça ne fonctionne pas pour joindre ce monsieur. Donc M. Rognon et M. Guinard, vous avez nos numéros de téléphone. Est-ce que vous avez rappelé M. Guinard ? Alors j'ai rappelé Monsieur Guinard aussi. Et alors lui, qu'est-ce qu'il vous dit? Ah bah il me dit rien, parce qu'il est sur messagerie voilà. Maintenant. Mais on va les avoir. On va lancer un Guinard et Rognonton. Oui. Voilà. Donc c'est-à-dire que chaque jour, nous appellerons Guinard ou Rognonton pour savoir et pour avoir des nouvelles. Simplement qu'on avance dans le dossier. On attend aussi des nouvelles de Thierry Vernier, le maire de Orchamps-Vannes. Il ne l'a pas rappelé. Hein. Non. C'est un petit message qu'a dit l'assistant. Aline, surtout, vous ne vous inquiétez pas, dossier prioritaire. On se bat, on continue et on va avoir des résultats. Sandra nous avait appelé concernant ce produit pour la toiture. Je suis passée par une société qui a nettoyé la toiture de ma maison. J'ai payé 3600 euros. J'avais la garantie qu'il n'y aurait pas de retour de mousse durant 10 ans. Mais depuis plusieurs mois, il y a bel et bien de la mousse et la société ne se déplace même pas. Il y a eu un miracle hein, parce qu'on les a appelés. Puis alors 10 minutes après, ils lui ont donné un rendez-vous. Tout rentre dans l'ordre. On est bien d'accord, Maître Novakovic. Comme par hasard. Allez, super contente Sandra. Technitois doit venir, mais on va quand même vérifier tout ça de près. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Cédric. On a fait le cas de Cédric, bien évidemment. Voilà ce que Cédric nous a dit. J'ai acheté une maison en toute confiance. L'annonce de l'agence garantissait une toiture neuve, donc en parfait état. Tu parles, on s'est vraiment moqué de moi. Il faut refaire le toit. Il y en a au minimum 13 000 euros et je ne compte pas l'isolation. C'est un cas qui va pas tarder à avoir un an, puisqu'on se bat depuis très très longtemps et on ne lâchera pas. Ce monsieur est tombé sur une agence qui a publié une annonce qui dit la toiture est neuve. Il a acheté la maison et la toiture est à refaire sur une partie. Et l'agence aujourd'hui dit, bah oui, mais nous, c'est notre vendeur qui nous a dit qu'elle était neuve. Mais alors ça sert à rien d'aller voir une agence. Elle se débrouille avec son vendeur, elle a fait une publicité qui est fausse. Et Sim Immobilier aujourd'hui ne semble pas beaucoup avancer. Alors on essaie d'avoir Madame Pereira, mais aussi Monsieur Miribel. Est-ce que quelqu'un a essayé de l'avoir? C'est le grand patron. Et bien entendu, j'ai eu son assistante. Alors avec qui j'ai eu une discussion intéressante. Monsieur Miribel étant en déplacement, elle va lui envoyer donc un petit SMS et peut-être qu'à un moment ou un autre, il nous rappellera. Il a tous les numéros de téléphone. Je compte sur Monsieur Miribel. Il avait surtout dit sur l'antenne d'RTL bien sûr. Qu'il allait faire quelque chose et vérifier parce qu'il ne voulait pas que les clients soient lésés, mais là, le client est lésé. Voilà. Donc on espère que Sim Immobilier va nous montrer ce qu'ils sont capables de faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme cas? Victoire, Julien. Victoire. Alors, mon opérateur m'a prélevé de 418 euros par erreur. Cela s'est passé en juillet. Il me balade sans cesse et depuis, cet opérateur rivalise d'excuses en faux prétexte. Qu'est-ce qui se passe avec Victoire? Le superviseur Steven vient de prendre donc la ligne. Il s'est excusé auprès de, évidemment, Victoire. Il traite ce dossier cet après-midi. Il la rappelle. Bon, ceci étant dit, on a quand même le grand patron qui est au courant et qui doit aller encore plus vite. Normalement, Victoire, ça va vraiment se régler dans les 48 heures, d'accord? D'accord, très bon. Bien. Bah, je vous remercie. Allez, ça marche. Qu'est-ce qu'on a eu également? On a eu le cas express avec les fenêtres. On est en plein dedans. Donc, Catherine, elle nous a téléphoné pendant l'émission, ce que vous pouvez faire à n'importe quel moment. Apparemment, parce que c'est un cas express, on a pas vérifié, sa pose de fenêtre s'est très très mal passée, Maître Novakovic. On a appelé l'entreprise Joberti et ils doivent envoyer un texto au patron, mais là Catherine doit, à mon avis, commencer à montrer un petit peu. Alors, est-ce que le fait qu'elle ait signé la réception des travaux et elle nous dit qu'il y a eu du cache-misère, donc comment voulez-vous que je sache? Moi, je m'en suis aperçu qu'après. Quelle incidence? Bah, dans ces cas-là, il faut immédiatement adresser une lettre commandée bien sûr à l'entreprise pour qu'ils viennent. Apparemment, ils ont reconnu, ils ont promis de se déplacer une nouvelle fois. Donc bien sûr, elle peut dans ces cas-là solliciter, obligée sous astreinte financière par jour de retard, par la voie d'un tribunal, effectivement les objets à se déplacer et à réparer. Mais là on attend qu'il nous rappelle, hein, monsieur. Voilà. On va la voir dans une seconde, je l'espère, peut-être dans le Money Time. Qui fait mieux que Conforama pour vos économies? Du 23 au 26 septembre, Conforama vous offre 10% de remise supplémentaire pour l'achat de deux produits meubles, déco et gros électroménagers des 400 euros d'achat. Et c'est en plus des promos. Alors, qui fait mieux? Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Offre valable hors cuisine, voire conditions sur conforama.fr. Depuis des mois, vous attendez cette série. Elle vous obsède. Vous donneriez tout pour la voir. Alors réjouissez-vous. Les séries limitées MyCanal sont au programme dans tout le réseau Seat. Seat Ibiza et Seat Leon MyCanal. Des Seat suréquipés avec GPS et caméra de recul à partir de 159 euros par mois. Pour une Seat Ibiza MyCanal, location longue durée sur 37 mois et 30 000 km maximum. Premier loyer de 1500 euros, suivi de 36 loyers de 159 euros sous réserve d'acceptation du dossier par Volkswagen Bank. Offre valable jusqu'au 30 septembre, conditions sur seat.fr. Le cri, c'est le terrifiant thriller de Nicolas Beugler. Hôpital psychiatrique de Gaustad, Oslo. Un patient est retrouvé étranglé dans sa cellule, la bouche ouverte dans un hurlement muet. C'est le début d'une gigantesque enquête criminelle. Et ce mystère angoissant a-t-on fait de la peur une arme de mort? Le cri, de Nicolas Beuglet. Un livre XO. Le mois Carrefour. Oh là là, pendant le mois Carrefour, il y a des promos renversantes. Il y en a dans tous les sens. Et aujourd'hui, par exemple, pour l'achat d'un lot de 3 bidons de lessive liquide Ariel, on bénéficie de 80% de son prix en bon d'achat. Alors accroche-toi, ça va secouer. Avec le mois Carrefour, vivez une expérience renversante. Jusqu'à vendredi, retrouvez chaque jour des produits de marque avec 80% de leur prix offert en bon d'achat. Lot de 3 bidons de 23 lavages, différentes variétés. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Dans la limite des stocks disponibles. Produits concernés et modalités sur carrefour.fr. Carrefour. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et dans le 9h30-11h d'RTL, nous accueillons maintenant Philippe. Philippe, bonjour. Bonjour Julien. Allez Philippe, on va faire vite, voilà ce que vous nous avez laissé sur le répondeur d'RTL, c'est le cas que l'on doit régler en 7 minutes, ça va faire court, mais on va tenter. J'ai commandé et payé une tonnelle 330€, non seulement le colis est arrivé éventré, mais en plus il n'est pas de la bonne couleur. Depuis, le site et le transporteur se renvoient la balle, et moi je suis au milieu. Et nous allons tout de suite appeler pour ne pas perdre le temps, puisque c'est le cas Super Express, et nous allons raconter à la fois aux vendeurs et aux auditeurs ce qui se passe. La bonne nouvelle, c'est que c'est une très grande enseigne qui règle les problèmes. On ne tombe pas sur un de ces sites qui sont parfois au 8e étage d'un appartement, dans la chambre à coucher, où certains apprentis sorciers jouent les commerçants. Des informations sur un produit vendu en ligne ou un service, dite « produit ». Connaître l'état d'avancement de votre commande ou de votre livraison. Dites « suivi ». Suivi. Effectuez un retour produit. Juste pour être certain, vous souhaitez bien effectuer un retour produit, oui ou non ? Non, suivi. Pardon, je n'ai pas compris si vous avez dit oui ou non. Non. Désolé. Vous souhaitez des informations sur un produit vendu en ligne ou un service. Dites « produit ». Connaître l'état d'avancement de votre commande ou de votre livraison. Dites « suivi ». Suivi. Effectuez un retour produit, juste pour être certain. Vous souhaitez bien effectuer un retour produit, oui ou non ? Alors écoute-moi bien maintenant, on va changer de ton, hein. Je ne veux plus que tu me prennes pour un imbécile. Tu as très bien entendu que j'ai dit suivi et tu me fais le coup de la commande. Non, tu as très bien compris. Mais je vous mets en relation avec l'équipe relation client internet. Mais je vous assure... Et on appelle ça le progrès. C'est-à-dire qu'il y a un type un jour qui a inventé ça, qui a dit « J'ai eu un système génial, on n'aura plus besoin d'avoir quelqu'un pour répondre au téléphone, la machine va le faire. » Vous avez vu, vous avez la démonstration. C'est de la folie. Je comprends que les gens deviennent fous. Hein. Oh là là là là là là. 5 milliards de chiffre d'affaires. Ben oui, mais tant mieux. Et une bande comme ça, ça va pas du tout. Vous vous rendez compte, on était en train de parler là, tranquillement, de la tonnelle de jardin. Et là, la tonnelle... Je l'ai pas, il me la faut, ma tonnelle. Alors, en fait, vous ne l'avez pas, Philippe, on est d'accord, hein ? Non, je l'ai pas, je l'ai pas. Ok, alors vous voulez qu'on vous envoie cette tonnelle parce que vous l'avez reçue dans un état lamentable ? Elle est restée, elle est restée chez le transporteur parce que le colis était abîmé et elle n'était pas de bonne couleur. D'accord, pas la bonne couleur et abîmée, donc vous avez refusé le colis. Voilà. Et le transporteur a signé un papier attestant que le colis effectivement était éventré. Ouais, et aujourd'hui ne se passe rien, il veut sa tonnelle et un geste commercial en plus, et il a bien raison. Donc là on est en train d'appeler le roi Merlin. On appelle, parce que c'est... Dans quel magasin ? Non, vous l'avez commandé sur Internet, donc c'est le roi Merlin. Internet, mais... Oui, par rapport au magasin de Rennes. Oui, bonjour madame, je suis chez le roi Merlin. Tout à fait. Alors, je suis Julien Courbet sur la radio RTL. Je me permets de vous appeler concernant un problème de livraison qu'a vécu un auditeur qui est un de vos clients et qui galère aujourd'hui. Est-ce que je peux vous expliquer ça à vous ? Vous pouvez me passer quelqu'un ? Je vais voir, monsieur, je vous demande de patienter quelques instants. D'accord, merci madame. Allez, oh. Parle-moi doucement. Ça se passe comme ça, vous, Philippe, quand vous appelez, ou c'est un accueil qui m'est spécialement réservé ? C'est la même chose à chaque fois, en fait. Madame, elle n'était pas de bonne humeur. Hein. Mais peut-être qu'elle s'est levée. Il y a des matins, on ne peut pas toujours être souriant. Hein. Moi, je sais qu'il y a des matins, des fois, je suis obligé d'aller chercher au plus profond de moi-même là, pour avoir la pêche, parce que la nuit n'a pas été conforme à ce qu'on attendait. Je ne sais pas si ça vous arrive, Maître Philono, de vous lever de mauvaise humeur. Déjà, est-ce qu'il vous arrive de vous lever ? C'est la première question. Le moins possible. Ah, elle adore dormir, Maître Philono. Ouais. Alors, elle ne le fait pas en semaine, parce qu'il faut bien qu'elle vienne travailler. Ouais. Mais alors, le week-end, ça peut durer des heures. Des fois, moi, je me rappelle, j'ai passé quelques vacances avec elle, on allait vérifier si elle soufflait dans son sommeil. On avait peur qu'elle soit décédée, je vous assure. Et on l'a retournée toutes les 8 heures. Pour éviter les escarres. Voilà, exactement. Ça, c'est une image glamour. Très romantique. Ah, ouais. Quand je pense à tous les gens qui fantasmaient sur vous, maintenant, je pense que ça les a bien calmés. Oui, bonjour madame. Vous êtes la même personne que j'ai eue il y a quelques instants ? Non, Magali. Alors, Magali, c'est Julien Courbet. Nous sommes sur la radio RTL. Je suis ravi de vous parler. Je suis avec Philippe Levallée. Il a commandé une tonnelle de jardin. Elle est arrivée un peu défoncée. Le transporteur, d'ailleurs, a dit oui, produit défoncé. C'est, en plus, c'était pas la bonne couleur. Donc, il a pas accepté le produit, la tonnelle. Et voilà. Et depuis, il se bat. Et ça fait depuis le 18 juillet 2016 qu'il attend qu'on lui envoie une tonnelle avec, si possible, un petit geste commercial parce qu'il a toujours pas sa tonnelle, il se passe rien. D'accord. Bon, ce que je propose, c'est qu'on me donne le numéro de la commande. C'est parfait, je vous le donne tout de suite. 0412. C'est une tonnelle Niguara. Niagara, peut-être. Ben, elle faut pas de U, alors. Non, faut pas de U. Ah, ben, moi, je suis désolé, sur ma fiche, il y a N-I-A-G-U-A-R-A. Voilà, excusez-moi. C'est Niagara. Quel est le nom de la tonnelle, Philippe ? Oui, alors j'ai un doute. Attends, moi, je pense que c'est Niagara. Enfin, oui. Moi aussi. Niagara, oui. Moi, je il y a quelqu'un qui a rajouté un U, donc on l'a transformé en Niagara. Peu importe. Alors, qu'est-ce que vous trouvez, madame, sur votre computer ? Alors, par contre, pour info, je vois qu'il y a un suivi quand même assez régulier sur le dossier. Au jour, donc avant-hier, on n'avait pas réceptionné de retour de marchandises dans l'entrepôt. Et on s'est assuré, effectivement, auprès de notre pôle transport, pour voir s'il y avait bien une prise en charge du transporteur pour retour en entrepôt. Est-ce que je peux vous faire patienter juste un instant, passant à faire quelques petites vérifications ? Alors, il y en a pour combien à peu près, madame ? Alors, Maître Fellonneau voudrait vous poser une question, l'avocat de l'émission. Oui, madame, en principe, sur le bon de livraison, il est indiqué « colis refusé éventré », signé le 8 août 2016. Donc, le transporteur n'a pas livré, il a repris immédiatement le colis. Donc, c'est une histoire avec votre transporteur, mais depuis le 8 août, ça fait bien long quand même comme règlement. Un mois ? Je vais me renseigner, je reviens vers vous. J'ai pas connaissance du dossier encore. Hein. D'accord, je vous remercie, à tout de suite. On va avoir du mal avant la fin de l'émission, mais on peut tenter le coup, on sait jamais. Le temps, parce que quitte à avoir de la musique, autant que ça soit pas au téléphone, autant en avoir de la bonne. Écoutez-moi ça. C'est Les Innocents et l'autre Finistère. C'est un petit chef-d'œuvre, cette chanson. 3210 pour nous joindre. Facebook, la page, ça peut vous arriver. Et nous replongeons en 1993 avec RTL. Comprendras-tu, ma belle, qu'un jour fatigué, j'aille me briser la voix une dernière fois à 120 décibels contre un grand châtaignier d'amour pour toi. Sur la bouche, je t'emmène hors des villes, en un fort, une presqu'île. Oublier nos duels, nos escarmouches, nos peurs imbéciles. On irait y attendre la fin des combats, jeter aux vers, au retour, tous nos plus beaux discours. Ces mots qu'on rêvait d'entendre et qui n'existent pas, y devenir. Comme de la toile de Nîmes, qu'entre nous il y a des murs qui jamais ne fissurent, que même l'air nous opprime. Et puis on s'imagine des choses et des choses, que nos liens s'élargissent, des promesses faciles, sans voir que sous la patine du temps il y a des roses et jardins fertiles. Les innocents dans le 9h30-11h d'RTL et l'autre Finistère. Bonne journée à vous tous. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Le cas de la tonnelle de Leroy Merlin. Apparemment une alerte. On aurait quelqu'un chez Leroy Merlin au service internet qui pourrait nous parler. Toujours la même personne, Julien. Génial. Elle est de retour. Elle a des infos. Elle nous les donne. On est sur l'antenne. Madame, je vous écoute. C'est un plaisir de vous parler. Alors, je vous confirme effectivement que suite à nos procédures, on a vérifié au niveau d'entrepôt. Le retour n'y a toujours pas enregistré. En revanche, j'ai bien la notification du transporteur qui va pouvoir me permettre de procéder à une nouvelle expédition du colis. Celui-ci étant en stock, on devrait pouvoir l'envoyer en début de semaine prochaine. D'autre part, qu'est-ce que vous souhaitiez d'autre, Philippe ? Disons que la tonnelle, elle arrive en bon état déjà, et puis bah, s'il y a un geste commercial. Voilà, il voulait un petit geste commercial, puisque bon, c'est normal, il a attendu, il n'a pas arrêté de téléphoner, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour lui ? Bien sûr. En revanche, ça, je ne peux vous annoncer aucun geste commercial à ce jour, puisque... Mais par contre, j'invite bien sûr notre client à revenir vers nous après la livraison de son colis en bonne couleur, en bon état et en sachant que la livraison doit se passer au mieux. J'invite à revenir vers nous une fois le dossier clôturé pour qu'on puisse effectivement lui faire notre proposition d'essai commercial. Est-ce que ça vous va, ça ? Déjà, commençons par avoir la tonnelle en bon état, Philippe. Dès que vous l'avez, vous m'appelez, on annonce à tout le monde que la tonnelle est arrivée. Oui. Et dans un deuxième temps, on téléphone et dans ces cas-là, vous demanderez un petit bon, quelque chose, un petit cadeau. D'accord ? C'est parfait. Allez, merci. Alors, madame. Si vous me permettez juste un instant, je vais vous communiquer hein, pour monsieur Levalier. Oui, hors antenne. Simplement, si vous avez besoin de nous recontacter, qu'il me demande personnellement, il me demande c'est la gagne. C'est génial. Bravo, madame. Bravo. Donnez-lui tout ça en antenne. Très pro, cette dame. Merci beaucoup. Quel plaisir de vous avoir parlé. Voilà. Merci à Leroy Merlin. L'histoire devrait être réglée. Il va avoir la tonnelle. La boule à facettes dans la tonnelle, le DJ dans un coin, David Guetta est sous la tonnelle. Vas-y, que je te fais les bardouches. A tout de suite sur RTL. Dépêchez-vous, ça commence! Les 6 jours grandes marques chez Intermarché. Profitez de 70% en avantage carte sur le lot de 2 bidons de lessive liquide Ariel. Oui, 70% crédité sur votre carte de fidélité. Intermarché, tous unis contre la vie chère. 2,99 €, conditions et magasins participants sur intermarché.com. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. RTL présente Renault Scenic Tour. Renault en tournée dans toute la France, en concert du 11 au 15 octobre et du 25 au 29 octobre au Zénith de Paris La Villette. Infos et réservations sur backline.fr, dans les points de vente habituels et sur RTL.fr. Renault Phoenix Tour, depuis toujours avec RTL. Avec France 2. La super rentrée Carrefour Market. Tiens, vous portez une cape aujourd'hui. C'est pour la super rentrée Carrefour Market, Michel. Jusqu'au 2 octobre, à vous les super pouvoirs, les promos incroyables. Des super pouvoirs ? Oui, en exclusivité chez Carrefour Market, vous pouvez collectionner 16 figurines de vos héros Marvel préférés, comme Spider-Man, Iron Man ou Captain America. Une figurine vous est remise en caisse par tranche de 30 euros d'achat. Ah, vous serez toujours mon super héros. Carrefour Market. Offre soumise à conditions. Modalités et magasins participants sur carrefourmarket.fr. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Je suis libertine. Tam, tadam, tadam. Le libertinage alimente-t-il bien des fantasmes ? Pourrions-nous tous être libertins ? On regarde par le trou de la serrure cet après-midi dès 15h dans On est fait pour s'entendre sur RTL. Nous allons donc remercier maintenant Sylvie Lokovic qui était avec nous ce matin. Merci Julien, Sylvie, merci beaucoup. Tous. Maître Felloneau, merci. Vous, il y avait Julien. Nos deux négociateurs, Hervé, Bernard, toutes les équipes d'Alain Hazard. Et n'oubliez pas de faire le 30 de 10 sur Facebook. La page, ça peut vous arriver si vous avez un souci. On tentera de le régler. Stéphane Bern arrive dans quelques instants. Le 9h30-11h est terminé. Vous êtes sur la radio que vous préférez. La radio numéro 1, j'ai bien surnommé RTL. What's the sense in sharing this one and only life? Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit I love le Rénov. J'aime tes conseils experts. Ta qualité made in France. Ta pose très professionnelle. Et comme le Rénov est RGE, vous allez adorer les 30% de crédit d'impôt. Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit I love le Rénov. Voir conditions en magasin ou sur lerénov.fr. RTL, il est 11h. Les infos sur RTL, c'est avec Marie Guerrier. C'est le gros contrat que la France attendait. Il est officiellement signé, la vente de 36 avions de combat Rafale à l'Inde. Le président François Hollande se félicite de l'aboutissement des négociations. Cela traduit, dit-il, la reconnaissance de la qualité de l'industrie aéronautique française. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, est en Inde spécialement ce matin. Il est allé paraffer les documents avec son homologue indien. Poignée de main chaleureuse, applaudissements dans la délégation française. L'Inde attend maintenant ses premiers avions Rafale pour la fin 2019. Une pharmacienne de Lyon est soupçonnée d'une grosse escroquerie à l'assurance maladie, plus de 2 millions d'euros détournés en fausses ordonnances et en fausses factures. Les policiers ont pu saisir 1 300 000 euros sur ses comptes en banque. Son ex-mari a lui aussi été interpellé. Il aurait bénéficié de fausses facturations pour les médicaments qui ne lui étaient pas destinés. Les syndicats de dentistes réclament une forte revalorisation des tarifs des soins de base, détartrage, caries, dévitalisation de dents. Ce sont des soins qu'ils font beaucoup et souvent, mais qui leur rapportent finalement peu. En contrepartie, les chirurgiens dentistes proposent de plafonner les tarifs de soins qui rapportent davantage, comme les prothèses. Alors, les négociations viennent de commencer avec l'assurance maladie, donc avec l'État. Il y a deux jours, la Cour des comptes s'est inquiétée que près d'un assuré sur cinq renonce à des soins dentaires pour des raisons financières. RTL vous pose la question. Avez-vous déjà renoncé à des soins dentaires en raison du coût? Vous pouvez répondre dès maintenant sur le site internet rtl.fr et vous pourrez en parler avec Christelle Rebière et Vincent Parizeau dans RTL Midi en appelant tout à l'heure le 3210. Dans l'actualité, il y a aussi ce matin Jean-Marc Morandini présenté à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen. Il est accusé de corruption de mineurs. L'animateur télé de 51 ans conteste les accusations portées par deux jeunes hommes mineurs au moment des faits. Aux États-Unis, la ville de Charlotte a vécu une troisième nuit de violence. Des centaines de personnes n'ont pas respecté le couvre-feu entré en vigueur à minuit. Les manifestants dénoncent l'homicide d'un homme noir par un policier. Un enseignant du lycée forestier de Saugues, en Haute-Loire, est mort à cause de la chute d'un arbre. Il formait des élèves stagiaires sur une parcelle en forêt. Un pin maritime haut de 29 mètres qui était en train d'être coupé par un élève du groupe s'est abattu sur le formateur de 33 ans. Une enquête est ouverte pour homicide involontaire. Une vente caritative de 24 flacons précieux de cognac d'exception a permis de récolter plus de 265 000 euros au profit de la fondation Apprenti d'Auteuil. C'était la 10e édition de la vente baptisée La Part des Anges et elle a battu un record aux enchères hier soir à Cognac en Charente. La plus grosse enchère réalisée par la Maison Martel, un flacon en cristal de baccarat qui contient une grande champagne de 1920 et son confrère ont ainsi été adjugés 31 000 euros. La météo, du soleil sur la moitié nord et dans l'ouest. Aujourd'hui, c'est plus nuageux des Alpes aux Pyrénées avec quelques averses, même orageuses en fin de journée sur la chaîne pyrénéenne et sur la montagne corse. Les températures, cet après-midi, on ira de 19 degrés à Cherbourg jusqu'à 27 à Toulouse, 20 annoncés sur Quimper, 21 à Lille, 23 à Paris comme à Nancy et 26 à Montélimar. Les courses à Vincennes en nocturne, les pronostics de Bernard Glace pour le Quintet, il vous conseille de jouer le 10, le 2, le 15, le 8, le 16, le 9, le 5 et le 18. La dernière minute de Bernard, c'est le 15, MTK. Il est 11h03, vous êtes sur RTL et c'est à la bonne heure qui commence avec Stéphane Bern. Merci beaucoup Marie Guerrier, on vous retrouve naturellement à midi pour un nouveau point sur l'actualité, mais nous plongeons dans à la bonne heure avec nos invités Francis Huster et Régis Laspalès. Je vais vous les présenter en des termes plus appropriés dans un instant. Là, c'est une mise en bouche, mais d'abord, je vous présente mes petits camarades. Mon premier est une bête à cornes, mon deuxième a une sexualité particulière, mon tout nous sera raconté par Marc Giraud, notre spécialiste des animaux. Bonjour à tous. Marc. C'est une toute petite bête à cornes. Toute petite. Voilà, qui en bave toute sa vie. Ah, c'est la limace. Ah, non, l'escargot. L'escargot. Et juste après le journal de midi, bien, nous vous retrouverons Régis Maillot pour votre feuilleton. Oui. Bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, j'aimerais ne pas être la seule victime de vos élucubrations. Écoutez, j'ai répondu à votre souhait. Non, oui. Ah, je suis épargné. En partie, en très grande partie. Écoutez, vous m'avez donné ce que vous voulez. Ah bah d'accord.